France, qui a pour but de fédérer la filière bois, d'apporter un soutien technique et commercial à ses acteurs et de promouvoir le bois et les métiers du bois auprès des jeunes. Alors, notre action porte principalement sur la construction bois, puisque c'est le principal domaine d'emploi du bois. On estime qu'environ 2/3 du bois consommé en France, comme dans la plupart des pays industriels, a pour destination la construction, que ce soit en structure, en agencement, en parquet, en brie, etc. Alors, on a d'autres activités du type organisation d'une présence groupée dans des salons professionnels, voyage d'études, journées techniques, etc. Mais la promotion de la construction bois est le principal domaine d'activité de Futurobois. Pour cela, depuis 3 ans, le Conseil régional nous soutient pour un programme d'action qui comprend alors déjà ce type de conférences, d'information grand public sur la construction bois. Deuxièmement, on organise le palmarès de la construction bois. Vous avez pu prendre sur la table à l'entrée, il marche le micro, oui. Bon, la plaquette du palmarès de la construction bois qui présente toutes les réalisations qui ont été soumises au 3e palmarès en 2007. Donc il y a eu 2005, 2006, 2007, et là on s'apprête à lancer le palmarès 2008. Troisièmement, ce sont des tournées avec visites de construction bois, maisons individuelles, bâtiments publics, bâtiments industriels, etc., que l'on organise 4 ou 5 fois par an, et qui a pour but de présenter des réalisations intéressantes et qui soit source de discussion entre architectes, charpentiers, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage, etc. Ça a été également des voyages d'études qu'on a organisés principalement à destination des architectes et bureaux d'études à l'étranger, notamment en Autriche, en Finlande et en Allemagne, qui sont trois pays très en avance en matière de construction bois. C'est la réalisation d'un répertoire de la filière bois construction. Le dernier date de 2005, nous sommes en train de préparer la réédition et ce nouveau document devrait sortir à l'été 2008. C'est la présence dans les salons d'habitat de Niort d'abord, et puis ensuite d'Angoulême, de Poitiers, de Saintes, de façon à fédérer les différents exposants qui présentent des constructions bois. Et puis ce sont bientôt des réunions plus techniques, de façon à régler, à discuter des points techniques bien précis, par exemple les fondations bois, les vêtures extérieures, etc., de façon à ce que architectes, charpentiers, bureaux d'études puissent mettre en commun leurs expériences, tirer des enseignements en plus ou en moins d'expériences qu'ils ont vécues, réalisées. Quoi dire Oui, autre orientation là, donc en cours et en projet, c'est on réalise qu'actuellement il y a une demande pour la construction bois qui est importante en plein essor, et souvent le facteur limitant c'est l'offre. Donc actuellement, Futurobois, là encore avec le soutien de la région, s'efforce de structurer l'offre, et cela dans deux directions. D'abord, faire en sorte d'industrialiser la préfabrication des éléments de mur. Et deuxièmement, mettre en place une certification de qualité, de sorte que les entreprises qui construisent des maisons bois puissent se réclamer d'un cahier des charges, d'une discipline qui soit contrôlée par le FCBA, qui est le pôle technique forêt, cellulose, bois, ameublement. Donc voilà la gamme des actions de Futurobois. Alors cette conférence, donc, bien sûr, s'inscrit dans ce programme soutenu par la région. Et on l'a fait également en partenariat avec le pôle Main d'Œuvre France. Et là, Samuel va peut-être nous le présenter. Bonsoir, bienvenue à l'espace Main d'Œuvre France. Donc Samuel Besson, je m'occupe de ce qui est administratif et financier ici. Donc en l'occurrence, je suis doublement intéressé. Tout d'abord parce que l'espace Main d'Œuvre France va travailler à partir de la rentrée prochaine sur le thème du développement durable, l'énergie et l'habitat. On va mélanger les trois dans une exposition. Il y aura sans doute un autre cycle de conférences, on verra plusieurs. Un dossier dans la revue L'Actualité Poitou-Charentes. Et puis je suis aussi également intéressé, mais à titre totalement personnel, je cherche à étendre ma maison. Et en l'occurrence, voilà une des pistes que je cherche depuis un certain temps. En tout cas, je vous souhaite une bonne conférence. Et puis, bienvenue à Main d'Œuvre France. Merci. Alors pour ce soir, on a demandé donc à Louis Hatt d'intervenir et de mettre l'accent sur la construction bioclimatique. Alors Louis Hatt qui a créé une société qui s'appelle Bâtir 2050, qui présentera brièvement à la fin, mais surtout qui a lancé un concept de maison bioclimatique passive. Donc le but est de présenter les enjeux énergétiques et climatiques qui se pose à la construction et au bâtiment, de présenter donc les bases de la maison bioclimatique et puis de présenter de quelle manière le bois peut y répondre. Merci Pierre. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Donc oui, effectivement, j'ai créé une société qui s'appelle 2050, Bâtir 2050, 2050 étant l'année. Vous savez, Kyoto, facteur 4, 2050. Donc aujourd'hui, on construit pour 2050. Donc ça, c'est l'objectif. À l'origine, donc, j'avais imaginé un système constructif qui réponde le mieux possible aux urgences environnementales, aux urgences de performance thermique et sanitaire des bâtiments. Mon parcours, c'est que j'ai été menuisier, j'ai été commercial dans le bâtiment, donc j'ai vendu des pavillons chez un constructeur. Je suis devenu directeur commercial, directeur technique d'une entreprise générale de bâtiment. Et ça m'a amené depuis 4 ans à réfléchir sur ce qui serait le mieux, selon moi, comme système constructif pour répondre à toutes les urgences dont on entend parler tous les jours aujourd'hui. D'autant plus avec un baril qui crève les records, baril de pétrole qui crève les records tous les jours. Donc ma réflexion, mes recherches, mes études m'ont amené à sélectionner un certain nombre de matériaux, à sélectionner un certain nombre de mises en œuvre pour répondre à toutes ces exigences. Les collègues de Pierre Guillon, qui sont sur les Pays de Loire et la Bretagne, m'ont demandé de développer sur le Grand Ouest ce genre de système constructif. Aujourd'hui, je suis heureux d'être à Poitiers. Merci de m'accueillir. Et donc, sans plus tarder, je vais vous expliquer ce qui est, selon moi, une nouvelle philosophie de l'acte de construire. Nous savons que la demande totale d'énergie commerciale a été multipliée par 7 depuis 1950. La courbe parle d'elle-même. Nous sommes une génération, pour ceux qui ont passé les 50 ans, où, avec nos parents et nous-mêmes, nous avons consommé plus que pendant toute la durée de la Terre auparavant. Et la courbe continue à monter. Nous savons également qu'en parallèle de la consommation d'énergie, nous rejetons les gaz carboniques, le CO2. Le CO2 responsable des gaz à effet de serre et du réchauffement de la planète. Les conséquences, alors j'ai pris cette photo parce qu'en 2007, c'est l'ouverture au pôle Nord, cette brèche qu'on attendait pour 2030-2035 pour les experts et qui est arrivée en 2007, donc beaucoup plus tôt que d'habitude. Bon, on pourrait parler des inondations, enfin de tout un tas de choses. Cette photo me paraît symbolique. Nous savons également que, en fonction des politiques climatiques qui vont avoir. Avec détermination qui vont être mises en place sur la planète, nous allons plus ou moins rapidement diminuer les gaz à effet de serre. Je ne vais pas commenter toutes les catégories, mais on voit bien, selon les courbes, qu'on peut aller plus ou moins vite pour limiter les gaz à effet de serre. Quelle que soit la vitesse à laquelle on va, même si on va le plus vite possible, la température va continuer à monter. Ce qui nous fait dire que il y a plus de temps à perdre. Alors, dans le monde, beaucoup de pays déjà avaient pris conscience et ont mis en place pour les bâtiments des labels. Alors, Canada, États-Unis avec le label Zéro Energy Home, mais vous trouverez aussi en Australie, au Japon, des labels, ce qui prouve que les gens, au niveau de la planète, les pays industrialisés ont déjà pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour le bâtiment. Plus près de nous, Minergy Passive House en Europe existe déjà depuis 1996. Nous avons donc en France, on va dire, 10-12 ans de retard. En Allemagne, il y avait déjà près de 5000 labels Passive House de distribuer, ça c'était il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est autour des 6 500-7 000 labels. Que veut dire passif house? C'est une maison passive. C'est une maison qui n'a plus besoin d'installation conventionnelle de chauffage. C'est-à-dire que la maison est tellement bien isolée, tellement bien étanche à l'air, qu'il n'y a plus d'installation conventionnelle de chauffage. Les calories produites naturellement dans une maison par ses habitants, par le réfrigérateur, par la tour de l'ordinateur, par le lave-linge, le sèche-linge, la cuisine, les ampoules, suffisent à chauffer. Nous sommes en Allemagne, dans un pays qui est plus à l'est, où il fait beaucoup plus froid et beaucoup plus longtemps. C'est la même démarche en Suisse avec le label Minergie. Alors bien entendu, il y a toujours un appoint de chauffage prévu, mais la base est ça. Alors, Minergie en Suisse, rapidement, que fait-on sur une maison pour obtenir une performance? Là, on a 2 niveaux, le niveau Minergie standard et le niveau Minergie passif. L'un est à 42 kWh mètre carré par an, l'autre est à 30, donc beaucoup plus performant. Quelles sont les différences? Dans un cas, on n'est pas obligé d'utiliser les énergies renouvelables. Dans l'autre, c'est obligatoire. Dans un cas, on a une valeur pour le chauffage, dans l'autre, pas. Dans un cas, on a une étanchéité à l'air qui doit être bonne, de l'autre côté, qui doit être inférieure à 0,6. Dans un cas, on a une performance de mur, le U, qui doit être inférieure à 0,2, le UP, le U paroi, donc à 0,12 dans le passif. Les vitrages isolants double ou triple, la distribution de chaleur, les appareils ménagers de classe A, l'aération 12 qu'ils appellent la double flux, et des besoins de rendement thermique. Donc on va voir tout à l'heure, pour la rénovation ils sont à 80 kWh mètre carré, on va voir tout à l'heure que de quelle consommation il s'agit et de quelle énergie il s'agit. En France, le rôle central du bâtiment, des études ont permis de voir que 25% du CO2 dégagé en France vient de la filière bâtiment et que la filière bâtiment représente à elle toute seule 46% des besoins d'énergie. D'où les politiques avec le Grenelle de l'environnement qui ont mis sur les 3 premiers chantiers du Grenelle le bâtiment, 9 publics et privés, les logements sociaux et rénovation urbaine, les bâtiments existants. Parce qu'on se rend bien compte que pour limiter les gaz à effet de serre et la consommation d'énergie, le bâtiment a un volant extraordinaire. Alors le Grenelle, les derniers arbitrages sont en train d'être rendus, ça a été annoncé en fin d'année. On va avoir là au mois de mai les dernières décisions. Mais nous étions sous la réglementation thermique. Vous savez qu'en France, tous les 5 ans, il y a une réglementation thermique qui impose à ce que les bâtiments ne consomment pas plus de. Nous avions la RT 2000. Après, à partir du 1er septembre 2006, nous avons eu la RT 2005. Et en bleu, les colonnes bleues, c'est ce qui était prévu en France pour l'amélioration du bâti. On va dire une amélioration de 15% tous les 5 ans. Le Grenelle a gagné 15 ans. Ce qui veut dire ce qui était prévu pour beaucoup plus lointain arrive en 2012, 50 kWh mètre carré par an. Nous sommes aujourd'hui à 110. 2012, c'est dans 4 ans, c'est demain. Imaginez les gens qui sont actuellement en train de faire construire sur la RT 2005. Dans 4 ans, les nouvelles maisons consommeront moitié moins. Il faut donc dès aujourd'hui encourager les maîtres d'ouvrage, donc les candidats à la construction, à construire le plus performant possible. Sinon, en valeur de patrimoine, sans parler des coûts de fonctionnement avec un baril de pétrole qui augmente, mais il est urgent de conseiller les clients de manière à ce qu'ils aillent vers la performance. Le Grenelle, c'est ça. 50 kWh pour 2012 et 30 kWh, qui sera sans doute le niveau passif en France, pour 2015. Il nous faut donc construire autrement. Ça suppose concevoir. Concevoir, donc là, les concepteurs sont les architectes, les maîtres d'œuvre. Ce qu'on appelle l'architecture bioclimatique, nous en parlerons tout à l'heure. Il faut construire donc avec des techniques, utiliser les matériaux, transformer les matériaux et déconstruire. Il faut intégrer ça tout de suite autrement. Il nous faut donc construire autrement. Ça suppose aussi l'évolution de l'urbanisme. Je ne sais pas s'il y a quelques élus dans la salle, mais très souvent, lorsque l'on fait un lotissement, que ce soit dans le public ou dans le privé, on essaie de rentabiliser au maximum le terrain, on trace la rue, on met les parcelles. Souvent, on met les boîtiers, deux boîtiers côte à côte, parce que ça coûte moins cher que de mettre un boîtier par parcelle. Tout ça fait que lorsqu'on vient pour construire une maison, on se retrouve avec une façade, ou tout au moins un pignon au nord et un pignon au sud, quand les deux boîtiers sont côte à côte. Donc au niveau des futurs lotissements, il faudra, je pense, que les lotisseurs imposent au bureau d'études, par exemple, que 80% des parcelles donnent la possibilité de faire une architecture bioclimatique, c'est-à-dire que l'une des façades de la maison puisse être exposée au sud sans que la maison voisine n'y fasse de l'ombre, créer un masque. Ça suppose aussi économiser le foncier. Donc là, c'est un autre domaine, mais la population de la planète s'agrandit chaque année de la population d'un Mexique, ce qui veut dire qu'il y aura de plus en plus de bouches à nourrir. Faut-il toujours prendre plus de foncier autour des villes ou faut-il densifier le bâti? Donc construire en blande, densifier le bâti, inclure le solaire, récupérer l'eau. Ce n'est pas l'objet de la soirée, donc je vais passer rapidement. Les bases bioclimatiques sont vraiment les bases. Que fait-on? On essaie d'adosser une maison à un masque qui va être au nord. Alors une haie d'arbres, ça peut être d'autres maisons, ça peut être une colline, ce qu'on veut. On crée un espace tampon, toujours au nord. Nos anciens dans les campagnes créaient la cave derrière leur maison, ou des fois l'étable derrière la maison. Ils avaient tout simplement du bon sens. Inversement, au sud, on va mettre des surfaces vitrées. Alors, pas trop n'en faut non plus, mais quelques surfaces vitrées pour récupérer le soleil et pour éviter les surchauffes, une végétation qui va perdre ses feuilles pendant l'hiver pour récupérer la chaleur. Donc ça, c'est vraiment la base du bioclimatique. Ça implique quel genre de distribution. Donc au nord, on va mettre le garage, les espaces tampons, placards, escaliers, entrées, salle de bain, quelques chambres. Et on va mettre les pièces de jour, chambre, séjour, cuisine essentiellement, salon, vers le sud. C'est vraiment la base du bioclimatisme. Alors, un exemple. Ici, vous avez une maison qui est adossée à une haie. Donc, c'est bien le nord. Vous avez le garage qui est au nord. Et puis, une façade au sud. Et vous apercevez devant une avancée de toiture qui sert de casquette solaire pour éviter la surchauffe. Alors, quel est le plan de cette maison? Donc, comme nous venons de le voir, la cliente rentre sous son préau, son garage, espace tampon. On retrouve l'espace tampon, toilette ici, dressing là-bas. On retrouve un hall d'entrée totalement fermé, c'est-à-dire que quand on rentre et qu'on refroidit la maison, comme cette porte est fermée, que l'on vienne de l'extérieur ou du garage, ça reste dans le sas. Au sud, vous avez donc trois grandes ouvertures avec des pans coupés un petit peu vers l'est pour récupérer le soleil plutôt le matin, un petit peu vers l'ouest pour la même chose le soir, mais comme à l'ouest on risque d'avoir la surchauffe, on a fait une architecture avec une avancée de toit que vous voyez en pointillé ici, de manière à créer naturellement dans l'architecture de la maison la casquette solaire. Seul, ici vous verrez, on a une toiture en appentis, on a aménagé le haut comme cela. Donc pareil, exposition au sud, l'escalier au nord dans une architecture bioclimatique, puisque l'escalier sert de cheminée naturellement, et que si donc on a la possibilité de faire tourner l'air, l'air chaud doit monter naturellement. Au nord, l'air ici va être un peu plus froid, va donc monter, et on aura comme ça, et ça a été vérifié sur cette maison qui est habitée, un seul degré de différence entre l'étage et le rez-de-chaussée. Donc vue nord, aucune ouverture, bien adossée à la haie. Bon, ce n'est pas toujours facile d'avoir ce cas de figure, hein, je vous l'accorde. Vue sud, avec les panneaux solaires, avec les casquettes qui permettent d'éviter la surchauffe. La cliente a apprécié autre chose auquel on n'avait pas pensé. Dans l'ouest, on a souvent de la pluie, il ne faut pas le dire. Mais quand il pleut, ses portes-fenêtres peuvent rester ouvertes. Ça ne mouille pas l'intérieur. Mais elle trouve ça génial. Bon, c'est un petit avantage supplémentaire. Il faut veiller dans une architecture bioclimatique. Est-ce qu'il n'y ait pas de masque? Et ça, on le relève sur un diagramme solaire lorsqu'on fait l'étude, parce que ça peut pénaliser un certain nombre d'heures d'ensoleillement dans l'année. Je ne sais pas s'il y a quelques professionnels, architectes ou thermiciens dans la salle. Donc voilà la base des performances à obtenir pour arriver en dessous des 50 kWh mètre carré par an. Un mur extérieur, alors le U c'est toujours une performance, UP c'est un U paroi, donc vous avez les murs, les rampants, les plafonds sous comble, le plancher qui est sur vide sanitaire ventilé, les menuiseries UW c'est U Windows, la ventilation qui n'est pas ici en double flux mais en négro B, le chauffage, un simple poêle à bois, l'eau chaude sanitaire avec les panneaux solaires que vous avez vu tout à l'heure, 5 mètres carrés, et une perméabilité à l'air sous 4 pascal à 0,869 puisque ça a été mesuré. Qu'est-ce que la perméabilité à l'air? Qu'est-ce ce drôle d'engin? Il est indispensable, obligatoire, si vous voulez une maison performante qui descend en dessous des 50 kWh mètre carré par an, qui plus est si vous voulez être passif, donc descendre encore plus, de faire tester l'étanchéité à l'air de la maison. Vous pouvez avoir une belle étude thermique qui va vous prouver que déjà la conception était bien faite. Si vous ne vérifiez pas la mise en œuvre par le système de ventilateur blower door, vous ne saurez pas où vous en êtes. Une maison performante doit systématiquement passer à ce test. Alors, blower door, c'est une machine qui est utilisée en Allemagne pour avoir le label Passive House. Ça consiste à mettre la maison sous dépression d'abord, sous surpression ensuite. On fait la moyenne des deux, ce qui donne le score. Pour avoir le label Effinergy, il faut impérativement être en dessous 0,6 aujourd'hui. Là, il y a encore 6-7 mois, ce n'était pas acté. Aujourd'hui, le label Effinergy, le test d'étanchéité à l'air, doit être en dessous des 0,6. Je vous assure que ça, c'est une donnée qui est nouvelle pour tous les gens de la filière bâtiment et qui n'est pas évidente. Parce que à tel niveau de perméabilité à l'air, ce n'est pas forcément facile. Ça correspond pour une maison de 150 mètres carrés à un diamètre de 8 cm de fuite. Imaginez, faites le tour de la maison, les endroits où on peut avoir des fuites d'air. Je ne sais pas, dans votre maison, peut-être que vous avez simplement des fois mis la main sur votre prise de courant et vous sentez déjà le courant d'air. Imaginez ça multiplié par 15, 20, plus éventuellement autour des menuiseries, plus et plus, plus, plus. Vous avez un trou comme ça, en réalité, dans votre maison. 28 cm, dit-on en général. La perméabilité à l'air, sans ça, ce n'est pas la peine de faire une maison performante. Donc la maison que je viens de vous développer, voilà le résultat en fonction des U que je vous ai donné. Donc nous sommes à 39 kW 51, donc bien en dessous les 50 kWh. Que peut-on remarquer? C'est que le bâtiment lui-même a été amélioré par rapport à l'ART 2005. Il a été amélioré de 31%. Le TIC, la température intérieure conventionnelle, ce qu'on va dire, le confort d'été, le déphasage, a été amélioré également. Le moteur de calcul réglementaire donc nous fait apparaître 6 points de moins. En réalité, le moteur ne prend pas tout en compte. Nous avons du renforcement d'inertie par des systèmes de surventilation, les gens du bois connaissent ça, au niveau des bardages et au niveau des sous-toitures. En réalité, nous sommes 3 à 4 points de mieux. En fin d'intervention, vous verrez qu'on a une inertie dans une maison bois qui est faite selon ce système, avec les surventilations, qui est égal au monomur de 37. Et enfin, la consommation d'énergie primaire à 39, alors que l'ART 2005 nous autorisait autour de 110. Alors, qu'appelle-t-on basse consommation? On considère aujourd'hui que l'état du parc actuel en France sont des maisons qui consomment plus de 350 kWh mètre carré par an. Que la réglementation thermique 2005 avec chauffage électrique, nous sommes autour de 250, avec d'autres chauffages autour de 110-130, ça dépend des zones. La basse énergie en réhabilitation, on va le situer au niveau des 80. La construction basse énergie, donc ce qu'on appelle depuis le 15 mai de l'an dernier le BBC, bâtiment basse consommation, à moins de 50 kWh mètre carré par an. Énergie positive, donc on va dire là, nous sommes aux horizons de 2020. Entre les deux, on aura le positionnement passif. Effinergy, donc, qui correspond exactement à BBC, nous sommes en classe A au niveau des consommations. Vous voyez la RT 2000 où elle se situe, RT 2005, la RT 2010. RT, réglementation thermique. Label énergie selon les zones géographiques en France. Et comparé aux autres labels. Je vous disais tout à l'heure, Minergie, Passive House et Finergie. On ne parle pas des mêmes périmètres. C'est-à-dire qu'on parle bien de mètres carrés, mais ce ne sont pas les mêmes. En France, c'est la Chaune qui est retenue, parce que dans la RT 2005, on prend la Chaune. En Suisse, ça va être la surface habitable, mais on va rajouter l'épaisseur des murs. En Allemagne, c'est encore autre chose. Donc, on ne parle pas des mêmes périmètres. On ne parle pas des mêmes méthodes de calcul. Ici, 42 kWh mètre carré par an en Suisse, c'est uniquement pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. On ne prend que ces deux postes. En France, on va y ajouter l'éclairage, la ventilation, les auxiliaires, ce qui fait qu'avec nos 50, on est au moins aussi performant que ça. L'expérience prouve que c'est plus compliqué d'avoir un 50 kWh que d'avoir un 42. Alors, Passive House, qui était la référence suprême, qui est toujours la référence suprême, parce qu'on entendait toujours parler des 15 kWh mètre carré par an pour les besoins. Mais nous savons aujourd'hui qu'il s'agit des besoins de chauffage uniquement et qu'il parle là en énergie finale et non plus en énergie primaire. L'énergie primaire, vous avez le pétrole au fond de la mer. Il faut de l'énergie pour le puiser, il faut de l'énergie pour le transporter, il faut de l'énergie pour le transformer. Et lorsqu'il arrive à vos ampoules, pour l'électricité, il y a un coefficient 2,58. Donc l'énergie primaire, l'énergie finale sont des choses différentes. Et l'Europe n'est pas encore faite, puisque vous voyez, sur 3 labels européens, on ne parle pas des mêmes choses. Mais cela prouve quand même que notre positionnement est quand même très performant. La maison bioclimatique BBC passive, c'est bien, mais dans ma réflexion, j'ai considéré que c'était insuffisant. Pourquoi ? Parce que là, on a parlé d'énergie, d'économie, d'énergie, mais qu'est-ce qui rejette quoi ? La problématique, c'est bien les rejets de gaz de CO2. Et en fonction des matériaux de structure que l'on va utiliser pour construire la maison, on se rend compte que pour 1 kg de matériaux, on va rejeter pour l'acier 0,8 de carbone, pour le ciment, la pierre, la brique, le tableau parle de lui-même. Vous voyez l'aluminium, comment c'est très polluant, on va dire. Le bois, par les phénomènes de la photosynthèse, aspire le gaz carbonique, on a tous appris ça. Il se trouve donc que plus nous ferons de maisons en bois, plus nous allons capter de gaz carbonique. Au niveau du CO2, au niveau de l'énergie, on va voir tout à l'heure, c'est donc un bon choix. Donc, faire des maisons performantes, mais essayons de le faire avec des matériaux qui rejettent le moins de CO2. Après, au niveau de l'énergie consommée, si on prend bien en compte l'exploitation, la transformation, la fabrication, le transport, la mise en œuvre, les performances et la destruction, si on ne veut pas laisser ça à nos générations futures, à nos petits-enfants, il se trouve que le bois, hein, c'est un institut européen qui a fait cette étude, que le bois arrive en première ligne également, devant le béton, le ciment, PVC. Donc pour tous les éléments de structure, on se rend bien compte que ce soit pour le CO2 ou pour l'énergie consommée, le bois arrive en tête. Alors en bois, il y a différentes techniques, des panneaux massifs contrecollés, des madriers empilés, ce qu'on appelle les chalets en montagne, une autre technique avec un isolant qui peut être en liège ou en polystyrène ou choses comme ça entre les deux, et éventuellement des techniques avec des bois empilés avec deux montants et l'isolant réglable au milieu. Je connais une entreprise dans le Queyras qui a une machine numérique et on lui demande 12 ou 15 ou 20 cm au milieu et sa machine va directement et on met de la ouette de cellulose dedans. C'est un coût, mais les poteaux poutres, l'ossature bois, donc ça c'est la maison que vous avez vue tout à l'heure qui sert de référence. Alors l'ossature bois qui représente la grosse part de marché, les autres étant beaucoup plus petites. Donc en France c'est l'ossature bois, Pierre Guillon disait tout à l'heure que c'était en plein essor, en plein développement. Il y a une demande aujourd'hui sur les maisons ossature bois et c'est heureux. Alors bien entendu l'ossature bois ça suppose de faire autre chose que la maison conventionnelle d'ossature bois. Vous avez ici en coupe un modèle de maison ossature bois qui est pris sur le label Passive House, donc qui a été édité par le CSTB, où non seulement on va avoir de l'isolant à l'intérieur de l'ossature, mais aussi de l'isolant en mur manteau, et là où on est sur un système de mur perspirant, puisque le contreventement est à l'intérieur. Alors le bois, c'est bien pour tous les éléments de structure au niveau du CO2, au niveau de l'énergie. Qu'en est-il des isolants? On se rend compte que pour fabriquer 1 mètre cube de laine de cellulose, il ne faut que 6 kW. 1 mètre cube de laine de bois 12, le liège 85, la laine minérale et polystyrène qui sont le plus souvent utilisés, 150 à 280, 450 à 850. Le polyuréthane qui est l'un des isolants les plus performants en termes de lambda, enfin, ou de résistance thermique, mais qui consomme énormément pour sa fabrication. Et le verre cellulaire. C'est une anecdote, je suis allé en voyage d'études en Allemagne voir les maisons Passivhaus, et un Alsacien servait de traducteur et nous accompagnait, et on visitait une maison de 150 mètres carrés qui avait été faite avec un système constructif absolument étanche à l'air et avec une bonne usélation de la paroi. En réalité, c'était des blocs de polystyrène qu'ils montaient comme des Legos. Ils étaient crantés en dessous, vous voyez, comme les Legos d'enfants. Ils évitaient le coup de pierre, donc c'était toujours à moitié-moitié. À l'intérieur duquel il coule du béton avec de la ferraille. Et pendant qu'on visitait, je calcule, et puis je pose la question à l'Alsacien qui nous accompagnait, mais il y a combien de mètres cubes de polystyrène pour fabriquer une maison? Traduit, l'Allemand est un peu surpris, il va dans son bureau, il revient. Et en réalité, quand il m'a donné les mètres cubes multipliés par ce qu'on voit là, ils avaient utilisé 60 ans de chauffage passif, rien que pour faire la maison. Bon, ça, on a frisé l'incident diplomatique. Mais c'est passé quand même. Ce qui veut dire que l'énergie grise, on estime actuellement en France que l'énergie incluse dans les composants d'un bâtiment correspond à l'équivalent de 20 ans. 20 ans, c'était sous la RT 2000, c'est écrit. Donc vous imaginez que plus on va faire des maisons performantes, on va passer à 60 ans pour une basse énergie et on va passer au siècle à partir du moment où on va être mieux que passif. Donc entre 30 et d'autant plus si on vit en positif. Donc faire de la maison performante, c'est bien, mais si c'est fait avec des matériaux qui consomment le maximum d'énergie, quelque part ça me dérange. Ce qui est le plus récurrent aujourd'hui, on va faire une petite parenthèse, c'est l'existant. Le bâtiment neuf, on voit bien qu'avec le Grenelle, la réglementation thermique qui évolue, bon, on va dire que c'est sur les rails et c'est bien engagé. Mais même si nous faisons toutes les maisons neuves en basse consommation à partir de 2012, en 2050, 80% des pavillons seront de l'existant, c'est-à-dire on va pas dire des épaves thermiques, mais des maisons qui consomment beaucoup. Donc le problème récurrent aujourd'hui sur lequel nous travaillons tous, c'est l'existant. Imaginez que pour améliorer l'existant, on se dise oui, il faut plus consommer de chauffage, il faut faire très vite. Si on fait très vite avec du polystyrène nos isolations, on va utiliser énormément d'énergie pour la fabrication, rejeter énormément de CO2, c'est-à-dire qu'on va faire le contraire de ce qu'on veut faire. Donc il faut penser aux matériaux. C'est bien, mais quelle est la spécificité de ces isolants qui consomment le moins d'énergie, rejettent le moins de CO2? Je vous invite à regarder les deux colonnes de droite concernant le confort d'hiver et le confort d'été. On se rend compte que alors au niveau de la thermique d'hiver, tous les isolants se valent à peu près, hein. On est entre 20 cm, 17. Donc en thermique d'hiver, tous les isolants se valent, que ce soit le polystyrène, la laine de mouton, les laines minérales, la ouate ou le copeau. Mais regardez en thermique d'été. En thermique d'été, si vous mettez 18 cm de fibre de bois, allez, 20 cm pour arrondir, ou 30 cm de watts de cellulose, vous avez le confort d'été. Pour avoir le même confort d'été en laine minérale, il vous faudrait plus de 80 cm, on va dire 90 si on met 30 là-haut. Alors en France, il fait toujours très chaud dans nos combles. Oh, l'été, dès que ça chauffe un peu, normal. L'isolant, c'est un isolant léger qui correspond à la thermique d'hiver, mais pas à la thermique d'été. Il faut utiliser des isolants lourds, on va dire à plus de 50, 55 ou 60 kg le mètre cube. Donc fibre de bois ou watts de cellulose, ça tombe bien, c'est ceux qui consomment le moins d'énergie et qui rejettent le moins de CO2. Donc indispensable choix des matériaux pour une éco-construction. Nous avons vu le bois, la cellulose, la laine de bois, qui représentent 10 à 12 fois moins d'énergie pour construire, 50, 60 ans, voire plus de chauffage dans la mesure où nous sommes sur une maison performante, un rejet minimum de carbone. Nous avons travaillé pour le respect de la planète. C'est mieux, mais selon moi, c'est encore insuffisant. il faut aussi avoir la notion de la mise en scène. Le plan national santé environnement qui a été institué pour la première fois en 2004 en France tient compte des matériaux qu'on va utiliser dans le bâtiment et va imposer l'étiquetage. Il y a à peu près une soixantaine d'actions qui sont menées, dont une 10-12 concernent le bâtiment. Le PNSE, donc le deuxième plan national santé environnement, est prévu pour cette année. Il se traduira par l'étiquetage des matériaux. Quand vous irez acheter des matériaux de construction, vous aurez une étiquette qui vous dira si c'est nocif ou pas nocif ou peu nocif. L'analyse du site et son environnement. Alors ça, ça peut être la proximité de lignes à haute tension, ça peut être la proximité d'une autoroute, enfin de voies express, autre chose comme ça. Des fois, il y a des lotissements qui sont faits sans regarder ces éléments-là. Matériaux sans composants organiques volatiles. Vous avez tous suivi cette affaire il y a 3 ou 4 ans en Bretagne de quelqu'un qui voulait une maison saine, qui a construit une maison bois et puis qui était malade parce qu'en fait, les produits utilisés pour traiter le bois à l'intérieur étaient nocifs. L'installation électrique non rayonnante, bon, c'est nouveau depuis 5-6 ans, ce qu'on appelle les pollutions électromagnétiques, pour ceux qui y sont sensibles ou pas, mais aujourd'hui, sur le marché, nous avons tout ce qu'il faut. Et enfin, le confort d'été et confort d'hiver, nous venons d'en parler, selon le choix des isolants, lourds ou légers, et leur densité. Le concept devient donc maison bioclimatique, nous avons vu l'architecture, basse consommation, nous allons vers les maisons passives, en éco-construction, on sélectionne nos matériaux, et en maison saine. Il faut en plus les garanties, parce que dans le bâtiment, tous les gens de la filière de bâtiment connaissent les problèmes de la décennale. Si vous utilisez un matériau qui n'a pas eu ses avis techniques, vous ne pouvez pas assurer votre maître d'ouvrage, tout au moins vous prenez des risques. Si vous utilisez un matériau et que la mise en œuvre est mal faite, vous vous engagez également. Donc dans la démarche, il fallait à la fois sélectionner les matériaux, mais il fallait aussi vérifier qu'ils aient les avis techniques. Donc c'est la même, ce que j'appelle les 5 exigences, mais il faut disposer en plus des assurances. Donc 5 départements sont couverts par des professionnels qui ont adhéré à cette philosophie de construire. Alors je vous ai mis d'autres architectures, parce qu'on pourrait croire que la maison bioclimatique, la maison performante, doit être simple. Souvent c'est l'image qui est donnée. J'étais amené à la longue à faire des études pour des architectes qui, en réalité, s'expriment librement. Et on peut voir que même avec des architectures un petit peu plus élaborées, on va dire, on arrive à faire de la performance. Vous voyez, cette maison est à 41,95, donc nettement sous les 50, et non pas à 110 comme elle pourrait l'être en 2005. Une autre maison d'architecte également qui avait la particularité, alors toujours le garage au nord, mais d'avoir un patio intérieur inclus, ce qui m'augmente les surfaces en contact avec l'extérieur, on va dire froide, et ce qui pénalise la maison. Cette maison a un étage qui fait qu'on a une architecture compacte et une maison à étage est toujours plus performante qu'une maison de plein pied. Et cette maison, elle est à 37,47 une fois qu'on a bien élaboré tout ce qu'il fallait avec, ce qui prouve que avec une architecture un peu plus élaborée que le simple cube, on peut toujours faire de la performance. Avec l'architecte et le client, on a voulu savoir quelle pourrait être la différence entre le concept tel qu'il est là, bois, cellulose, fibre de bois, enfin le concept et la philosophie que je développe, mais par exemple, avec un vide sanitaire, au lieu de supprimer le vide, on supprime le vide sanitaire, pardon, et on met un plancher béton. L'idée étant, on va avoir plus d'inertie. On va conserver la chaleur. Et on se rend compte, regardez, 44,9 rien qu'en changeant le plancher. Le système constructif de maison bioclimatique passif, c'est un vide sanitaire bien isolé. Ici, nous avons pris une épaisseur de béton sur terre-plein avec l'isolant réglementaire. Et donc, nous sommes pénalisés 44,9 au lieu de 37. Donc, on a perdu 7 points rien qu'en changeant le plateau. Le fait de passer en plancher sur terre-plein double les déperditions par le sol. C'est le commentaire du thermicien. Le client a dit, bon, ok, on remet la dalle vide sanitaire telle que vous l'avez conçue, mais toujours pour avoir de l'inertie, je veux des murs monobriques sur les façades sud et ouest, parce que là, je vais me protéger du soleil. Donc on enlève le système et on met des briques. On se rend compte qu'on est à peu près pareil, puisque 37, vous voyez, on est à 37,95. L'incidence en mettant des murs en briques est très faible. Alors on gagne un peu en apparence sur le TIC, sur le confort. Donc on a bien un petit peu plus d'inertie avec nos briques. Mais rappelez-vous tout à l'heure, dans le système MBP, on ne tenait pas compte des surventilations. Le moteur de calcul réglementaire ne les prend pas. On va dire donc que le système de maison bois tel qu'il est développé apporte la même inertie, le même confort d'été qu'une brique monomure. Par contre, au niveau de la thermique d'hiver, pour avoir le même UP, il faudrait rajouter à une brique monomure de 37,5. Ici, on a marqué 14 cm, mais c'est avec un lambda de 0,045. Si on prend un lambda de 0,40, on va dire 10 à 12 cm de laine de bois pour avoir la même performance. Alors, nous sommes allés jusqu'au bout. On dit, bon, on a vu le plancher terre plein, on a vu les murs. Et bien, si nous, maintenant, on mettait les deux, on fait le plancher béton et on met les murs en briques monomure. Et donc là, on est encore un peu pénalisé puisqu'on retrouve notre plancher en terre plein. Dans tous les cas de figure avec cette architecture, nous restons quand même en dessous des 50 kWh mètre carré par an. Donc, nous sommes en BBC. Tiens. J'ai dû toucher à quelque chose qu'il ne fallait pas, là. Alors. Alors, il faut remonter. Bon, voilà, je suis là, je crois. Essayez de mettre en diaporama. Pourtant, j'ai... Je ne pense pas le brutaliser, mais voilà, merci. Donc voilà, oui, le commentaire, c'est que bon, on a pu voir la différence entre un système constructif totalement bois avec laine des celluloses et des systèmes constructifs monomure. Alors, ce qu'on me dit souvent, on dit oui, mais c'est bien comme démarche, mais on ne pourra pas faire toutes les maisons en bois, évidemment. Raison de plus pour en faire le maximum, puisque on sait que c'est ça qui gagne, du CO2 et de l'énergie. Construire juste pour le respect de l'homme et de la planète, nous savons le faire, nous savons que nous devons le faire. Merci, messieurs, dames. Bon, merci, Louis-Yad, pour cette conférence. Donc, maintenant, je vous invite à poser vos questions. Quelle essence de bois est privilégiée pour est-ce qu'il y a une essence de bois particulière qui est utilisée? On entend bien Capella, mais il faut avoir le micro. Non, si, pour l'enregistrement, il faut le micro. Ah, c'est vrai. Vous avez le micro, bon, bah, allez. Alors, l'essence de bois, eh bien, on va prendre du Douglas, du mélèze ou du châtaignier, des bois classe 3 hein, qui se protègent naturellement. Hein, c'est la démarche. Dans le concept. Alors, si par exemple vous choisissez de faire l'ossature en sapin du Nord, vous allez le traiter, il ne sera pas recyclable, vous êtes hors de ma philosophie. Mais c'est possible également. Hein, mais c'est ça la démarche. Aujourd'hui, c'est Douglas pour nous. Voilà. Une autre question ? Monsieur. Pardon ? Oh oui, Douglas. Ouais. Par contre, bon. le prix a beaucoup augmenté. Ouais. Bonjour, vous n'avez pas parlé concernant l'isolation en paille. Oui, alors volontairement, parce que j'ai eu une étude à faire d'une extension d'isolation en paille, je me place dans le domaine de la filière professionnelle. Les bottes de paille ne sont pas reconnues en France, on n'a pas encore d'avis technique. L'association qui développe ça a déjà avancé auprès du CSTB pour faire valider. Les avis techniques existent en Allemagne, mais pas encore en France. Ça ne rentre donc pas dans mon concept puisque je veux que le client final ait son assurance. Voilà. Sinon, en lambda, ça va nous faire des murs beaucoup plus épais hein, pour avoir, selon la densité de la botte de paille, 40 ou 45 d'épaisseur. Pour arriver à avoir un UP donc de mur à 0, 160 et si on veut gagner un peu plus, ça nous fera des épaisseurs de murs importantes. Compte tenu du coût du foncier, des surfaces habitables, parce que les gens veulent quand même garder une surface habitable, Par contre, c'est une démarche écologique intéressante, mais bon, de toute façon, on n'a pas d'avis technique. Oui, tout à l'heure, vous compariez différents matériaux de construction et d'isolation quant à la quantité d'énergie nécessaire pour la produire. Oui. D'où provenaient, s'il vous plaît, ces informations qui semblent fort précieuses ? Oui, le livre de Maison bioclimatique de Samuel Courget et Jean-Pierre Oliva. Je crois que c'est page 160. Enfin bon, vous irez voir. je crois, mais je ne suis pas très sûr. Vous retrouverez aussi le tableau. Alors, confort d'été, confort d'hiver, c'est dans ce même livre. Justement, par rapport à toutes les informations que vous nous avez données, est-ce qu'on nous aurons un document en partant qui va nous redonner l'ensemble de ces éléments? Sinon, est-ce que vous seriez en mesure de nous donner une certaine biographie qui nous permette de retrouver tous ces éléments techniques? J'ai deux réponses. Je n'ai rien prévu pour vous donner aujourd'hui. Pour ceux qui souhaiteraient aller voir mon site, eh ben, il est là, c'est plus simple. Mais comme les choses sont bien faites ici à Boîtier, vous pouvez peut-être annoncer là ce que vous êtes en train de prévoir. On m'a redonné le micro pour que ce soit enregistré et ce sera en ligne avec toute ma démonstration. Donc tout simplement, l'Espace Mondes France, on a décidé de diffuser sur Internet toutes les conférences enregistrées ici, à partir du moment où le conférencier donne son accord, bien sûr. Donc l'enregistrement audio est en cours, d'où le micro nécessaire. Et monsieur a bien voulu nous accorder le diaporama, donc tout sera en ligne. Je ne vous promets pas pour demain, il va nous falloir un peu de temps pour la technique, mais ce sera fait. Ici, enfin pour le mien c'est ça, mais vous, oui. C'est www.maison-d-science.org. Espace Mendès France sur Google, vous le trouverez. Oui, d'autres questions ? Oui, à propos de la pérennité des constructions en bois, en matière de termites, quelle est la réponse ? Alors, il y a des zones en France qui sont déjà classées termites ou pas, et c'est en train de monter vers le nord. On est en plein, nous. Oui. Ben là, on ne peut pas faire autrement que de mettre un thermifilm. Enfin, il faut faire ce qu'il faut, évidemment. Il faut se protéger. Dès qu'on est dans une zone thermite, il n'y a pas d'autre solution. On donne priorité quand même à la pérennité du bâti. Hein, donc, il y a différentes techniques. Hein, bon, il y a le thermifilm, mais il y en a d'autres qui permettent pour bien colmater le vide sanitaire, mais vous savez que les termites peuvent monter en colonne, enfin donc il faut donc bien travailler. Voilà. Et même si dans l'aspect écologique, recyclable et tout ça, c'est un petit peu embêtant, on va dire, mais il faut quand même donner priorité à ça. Je ne serais pas professionnel si je vous disais ne faites rien. Bonsoir, j'aurais deux questions en fait, indépendantes l'une de l'autre. La première, c'est quel est votre avis sur l'isolant laine de mouton, en brut ou en traité, par rapport à ça ? Que ce soit la thermolier, celle qui est traitée avec le brevet Natiso ou avec d'autres, la laine de mouton, comme on le disait tout à l'heure, est un isolant léger qui va donc vous faire de la thermique d'hiver. Donc si vous, dans le tableau tout à l'heure, elle y était, une laine de mouton va bien vous isoler pour le froid. Donc vous allez économiser du chauffage. Elle a la faculté, selon ce que vous allez prendre comme sorte de laine, de pouvoir se charger à peu près de 30% d'humidité sans perdre ses capacités, ce qui n'est pas le cas de tous les isolants. Par contre, vous n'aurez pas d'inertie, pas de temps de déphasage, vous n'êtes pas dans les isolants lourds. Donc laine de mouton, oui, mais ça dépend où. Je ne la mettrai pas en sous-toiture où il faudrait en mettre très épais. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Oui, tout à fait, oui. Je vous remercie. Et l'autre question, c'était plutôt par rapport, vous avez parlé de la perméabilité de l'air avec la machine à ventilation, à dépression, surpression qui permet, voilà. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction légère avec le côté sanitaire de la maison, à savoir qu'effectivement, en gros, vous allez exiger vraiment une perméabilité la plus forte possible. Oui. Bon, il peut y avoir bien sûr des ventilations mécaniques, mais bon, moi je suis agronome de formation et je m'occupe aussi des bâtiments d'élevage et on dit surtout qu'il faut faire très attention aussi à ne pas... Le gros des déperditions pour moi, c'est quand même de la convection. Et est-ce que par rapport à ça, il vaut mieux vraiment privilégier quelque chose de complètement perméable, ou est-ce que c'est quand même pas plus le côté rayonnant qui prime sur l'isolation, quoi. Alors côté rayonnant, on va donc parler de parois avec de l'inertie qui va prendre et qui va pouvoir restituer. Il faut l'intégrer dans un bâti. Quant à la perméabilité de l'air, si on veut avoir une performance de bâtiment, elle est indispensable. Concernant le côté sanitaire de la maison, nous avons tous des VMC d'installer chez nous pour renouveler l'air. Alors là, il y a la simple flux, il y a l'hygro A, l'hygro B, la double flux. Quelle que soit la ventilation qui est installée, elle est dimensionnée au volume de la maison. Si vous installez une hygro A, une hygro B, on va calculer en parallèle, vous savez, les petites mortaises que vous avez en dessus de vos fenêtres, en 30 mètres cubes, en 45 mètres cubes, et quand on va ajouter les entrées d'air qui sont au-dessus de chaque fenêtre, ça va correspondre au débit de la VMC qui ressort. C'est donc dimensionné, ventilation mécanique contrôlée. À partir du moment où vous n'êtes pas étanche à l'air, la VMC va de toute façon attirer le volume. Dans une maison qui est bien étanche, si vous avez dans les chambres qui sont à chaque bout une dimension à 30 mètres cubes, que vous avez le détalonnage sous les portes de 15 mm comme cela doit se faire, vous allez donc avoir une circulation d'air qui va bien se faire. À partir du moment où votre maison n'est pas étanche à l'air, que vous avez des entrées d'air aléatoires, aux prises de courant, la porte qui vient du garage, que je ne sais d'autres, les entrées d'air vont se faire de manière aléatoire et votre circulation d'air sera moins performante, sera moins bonne. Donc pour la qualité sanitaire, plus on est étanche à l'air, plus on aura contrôlé scientifiquement le mouvement d'air dans la maison et mieux nous serons. Hein ? Je ne sais pas si ça répond à votre question. Puisque je micro, je peux en poser une troisième. Qu'est-ce que vous pensez du puits canadien au puits provençal ? Est-ce que pour vous c'est quelque chose d'énergétiquement vraiment important ? Alors la maison, vous ne l'avez pas évoqué ? Enfin, ou alors je ne l'ai pas évoqué, alors, mais je peux le faire parce que je suis un fervent défenseur du puits canadien. Enfin, plutôt j'étais. Dans cette maison, je l'avais intégrée, y compris avec la double flux. Enfin, j'avais monté mon usine à gaz comme on faisait tous il y a 3 ou 4 ans au début, qu'on recherchait la performance. Et lorsque j'ai voulu faire valider ça par le thermicien, les moteurs de calcul réglementaire déjà ne prenaient pas ça en compte. Mais il me disait, dans notre région, ça ne sert à rien. J'avais un cas de figure, la maison que je viens de vous développer, qui était idéal. J'avais mon coffret électrique qui était à 33 mètres, qui était en surélévation. J'avais donc 33 mètres de tranchée avec une pente dans le bon sens pour les condensations dans le puits canadien. En prenant un delta C plus 7, c'est-à-dire que s'il fait moins 7 dehors, on rentrait de l'air à 0 degré dans la maison, je disais, génial, on va gagner avec ça. Et en fait, les études thermiques, qu'on les faisait de différentes façons, n'apportaient rien. Comme je suis un peu têtu et que on a dû en faire 3 sur des choses différentes et à chaque fois le résultat était le même. J'ai tout envoyé à Marne-la-Vallée au CSTB, c'est M. Oussende qui s'occupe de ce module. Et bon, quelques semaines plus tard, il m'a confirmé qu'à l'ouest de la France, finalement, c'était pas grand-chose. Le puits canadien n'apportait pas grand-chose, c'était la petite cerise sur le gâteau. Que c'était pertinent à l'est de la France parce qu'on avait pendant plus longtemps du froid. Et qu'effectivement, si on récupérait des calories à 2 mètres sous terre sur 33 mètres de long, et ben là, ça apportait quelque chose. Que c'était pertinent au sud de la France, mais là, en puits californien ou provençal pour le rafraîchir. Mais que finalement, sur le Grand Ouest, où nous sommes tempérés, où nous avons plus à gérer l'humidité que des différences de température, il était moins adapté. Donc voilà par expérience que je peux vous rapporter. Qui ? Le micro, je ne sais pas où il est, pour l'enregistrement, dit monsieur. Oui, en termes de retour d'expérience, est-ce que vous avez eu des difficultés particulières sur le chantier par rapport aux capacités, aux expériences, au savoir-faire des entreprises, d'une part ? Et une fois les maisons livrées, est-ce que les usagers y ont trouvé leur compte ou quelles difficultés ont-ils eu pour s'adapter à ces habitats ? Ouais, alors ça fait 3 questions. Premièrement, les entreprises. Celle que je vous ai montrée, c'était la première. Donc, quand les entreprises ont été sélectionnées, je les ai toutes réunies, mais du maçon, charpentier, enfin, vraiment tous les corps d'État, pour leur dire, ben voilà, on va faire une maison passive. Déjà, personne ne savait ce que c'était. Donc, je leur ai expliqué un petit peu en faisant une démonstration, comme je vous ai fait tout à l'heure. Je leur ai dit, lorsqu'on aura terminé la maison, elle sera testée à l'air, et là, ça rigole pas, parce que ce jour-là, je ferai venir et l'ADEME, et tous les interpros du bois. On avait donc Nicolas Atlambois et toute son équipe, Olivier Ferron pour la Bretagne, donc Pays de Loire-Bretagne. C'est-à-dire qu'on a construit la maison. J'avais la chance que le chantier était à 1 km de chez moi, donc j'y allais évidemment tous les jours. La perméabilité à l'air, je vous dis que il faut avoir un œil tous les jours parce que les entreprises ne sont pas formées à ça. Et s'il y a un besoin, là, j'invite l'interprofessionnel du bois, un besoin au niveau des professionnels, c'est la perméabilité à l'air, il y a besoin de formation. Et donc, il fallait y aller tous les jours. Le jour du test, il y avait 130 professionnels du Grand Ouest, architectes et ossature bois, et ça s'est fait en direct. Inutile de vous dire que les artisans qui avaient fait la maison, ils n'étaient pas sur le chantier. Ils n'étaient pas bien, et si ça fuite partout, on va passer pour... Et ils n'étaient pas là, ils avaient tous quelque chose à faire. Par contre, à 18h, quand le résultat était connu, le portable, ils sont tous venus boire un coup parce qu'ils étaient contents. Hey, t'as vu, on y arrive. Et ça a valorisé les gens et les entreprises. Bon, ça nous a valu après que, comme ils savaient le faire, le devis d'après, donc on se calme. Hein. Mais donc, il faut d'abord former les entreprises, mais pas uniquement le fabricant d'ossature bois parce qu'il a quand même la pièce maîtresse, surtout s'il pose les menuiseries avec. Mais ça concerne l'électricien, ça concerne vraiment tous les corps de métier, le plombier, des fuites d'air, on en a partout. On ne se rend pas compte, mais il y en a partout. La moindre trappe, le moindre fil électrique. On fait le test d'étanchéité à l'air et on teste à la fumée. Vous mettez la maison en surpression, test à la fumée. Si vous n'avez pas bouchonné toutes vos gaines électriques, tout ressort au compteur dans le garage. Imaginez, vous avez vu les pieuvres dans une maison neuve de fil électrique ? Multiplié par combien de gaines vous avez, le trou que ça vous fait, vous n'avez aucune performance possible si vous n'avez pas bouchonné. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. La perméabilité à l'air, c'est un travail de tous les corps d'État et un suivi pour la maîtrise d'œuvre. D'autres questions ? J'ai pas fini, il y avait trois questions, alors j'ai répondu à une. Une difficulté pour la cliente. La cliente a monté un poêle à bois système polyflamme, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une cheminée qui permet d'avoir un feu d'agrément, donc une cheminée ouverte. Et lorsque vous tirez la plaque de fonte, vous faites tomber tous les braises dans le fond et vous avez un insert qui vous chauffe la maison. Et au mois de novembre, c'est une collègue de travail à ma femme, j'ai ma femme qui rentre et dit « Il fait froid chez Jeannine, ça ne marche pas hein, ton truc. C'est pas possible, chez nous, c'est une rénovation que j'ai, mais chez nous, ça marche. Donc c'était beaucoup plus isolé, donc ça devait marcher. Et puis, il se passe quelques jours, et elle revient, dit, Jeannine a froid, il ne fait pas bien. Donc je vais voir. En fait, elle avait tous les soirs, elle faisait sa petite flambée, et tous les soirs, elle gardait son tuyau Pojola, la trappe pas fermée, un trou d'air de 220 mm. Inutile de vous dire que toute l'aspiration... Donc pas de cheminée ouverte dans ce genre de maison performante. Donc, j'ai fermé la trappe. Et elle est enchantée de tout l'hiver. Il se trouve que son compteur électrique a été installé officiellement. Il y avait un compteur de chantier avant, au début juillet, que sa facture du 23 mars, je crois, elle est arrivée. Et elle a eu 2200 kilowatts pour tout confondu pour sa maison. Elle n'a pas d'autre énergie. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'autre chose. Donc, à la fois pour sa cuisine, pour l'eau chaude sanitaire, pour le chauffage... son lave-linge, son ordinateur, son sèche-linge, 2200 kW pour 8 mois. On estime qu'elle va être à 3000 sur une année. Ils sont deux dans la maison. Donc, voilà. C'était quoi la troisième question ? Il y avait trois, ça ira. Bon. Oui, ma question, c'est de savoir, tout à l'heure, vous avez parlé des maisons en ossature bois et qu'on avait essentiellement sur le marché ce type de maison. Et peu encore de maisons en massif, en madrier massif. Oui. Est-ce qu'il faut dire que dans les régions en plaine, comme les nôtres par exemple, il vaut mieux passer à l'ossature bois, rester à l'ossature bois et conseiller essentiellement pour la montagne, le chalet, le madrier massif, dire que ça concerne essentiellement les pays nordiques, Finlande, ce genre de pays, et peu nos régions à nous, près de la mer éventuellement. Je pense que c'est plus une culture. On est habitué à voir les maisons bois, les chalets en bois massif en montagne. Et ça nous semble naturel lorsqu'on va en montagne de voir des chalets. Et on a du mal au niveau du comportement à aller voir descendre de la montagne pour arriver dans nos plaines. Au niveau de la performance thermique, si vous prenez un madrier bois en sapin, puisque plus le bois est léger, mieux il isole. Il faudrait y ajouter de toute façon une épaisseur conséquente d'isolation pour avoir la même performance UP qu'une maison ossature bois. L'intérêt de l'ossature bois, c'est que c'est dans l'épaisseur du mur qu'on met l'isolant, que là, il va falloir la rajouter. Donc, le panneau KLH que vous avez vu, les grands panneaux massifs, pourquoi pas, en structure porteuse et en dalle. Hein, il y a une maison dans le département qui a été faite comme ça, qui est performante aussi. Ça suppose ajouter, je crois que c'était 14 cm de fibre de laine de bois par l'extérieur, y faire un enduit, et ainsi de suite. On va avoir un surcoût au niveau de l'investissement pour le maître d'ouvrage, pour le client final. Mais ça marche très bien et on a peut-être même une meilleure inertie. Si vous voulez un intérieur maison bois, apparent bois, ça peut être une solution. Vous partez avec un KLH et puis vous isolez par l'extérieur. Mais ça marche de la même façon. Quant au bois empilé, alors là, attention, même si on met des joints, de toute façon, il faudra rajouter de l'isolant également. Autrement, vous n'avez pas dans des documents justement des comparaisons entre le bois massif et l'ossature bois qui mettent en évidence justement ces cas. Je n'ai pas ça, mais peut-être que l'Interpro du bois ont ça dans leur tablette. Là, il faudrait demander à Pierre. Il y a eu une étude faite par pour AFCO Bois par le CSTB, je crois, récemment, et qui est parue dans le Bois International, numéro de octobre ou novembre dernier. Voilà. D'autres questions? Ouais, il y aura un monsieur à droite aussi. Allez-y. Oui, bonsoir. Vous ne parlez pas du tout des coûts. Oui. Il y a quand même, c'est quand même le nerf de la guerre. J'attendais qu'on me pose la question. Même si on sait que c'est un petit peu plus cher, est-ce que vous avez une expérience qui est quelque chose d'un peu plus précis on en a que aujourd'hui. Un peu plus cher parce Oui, que c'est plus cher. C'est très vague. Aujourd'hui, c'est plus cher. C'est plus cher pourquoi? C'est plus cher parce que pour avoir des menuiseries à coefficient UW performant, aujourd'hui, on a supprimé le PVC et on n'a pas des menuiseries bois performantes. Donc, on va vers du mix. Il y a de l'alu, mais bon, on est obligé de composer. Donc, une menuiserie mix, un lot pour une maison de menuiserie mix coûte beaucoup plus cher qu'une maison PVC d'une RT 2005. Les isolants, les matériaux bio sont aujourd'hui sur le marché plus chers que de la laine de verre ou des choses comme ça. Par contre, on a économisé le poste chauffage. Alors, si dans votre maison, vous aviez envisagé mettre une thermodynamique pompe à chaleur, voire une géothermie, vous auriez investi 15-20 000 euros sur ce système de chauffage. On va dire que ce surcoût-là, il vient plus pour faire l'isolation, l'amélioration du bâti. Globalement, sur une dizaine de dossiers, on a repéré qu'on était entre 7 et 15% plus cher qu'une maison faite selon la RT 2005 avec des matériaux conventionnels. L'intérêt du réseau que je développe sur plusieurs départements, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une force d'achat et nous avons déjà des accords pour négocier les matériaux et auprès des menuiseries. Donc c'est ça le but. Mais plus nous serons à en faire sur toute la France, et bon, c'est le problème de l'offre et de la demande, les industriels du bois, en particulièrement des menuiseries industrielles en fenêtres, sont aujourd'hui en train de réfléchir de fenêtres à triple vitrage, de fenêtres beaucoup plus performantes qu'on avait. Moi, il y a 3 ans, quand je demandais aux fabricants quel est le coefficient UW, du coup, ça, ils fabriquaient des fenêtres qui étaient belles, qui étaient lasurées, qui étaient ceci, qui étaient cela, qui avaient un vitrage plus ou moins performant. Mais personne ne s'attardait au coefficient UW. Aujourd'hui, ça devient indispensable. Pour faire du BBC, là, je suis en double vitrage, isolation renforcée avec gaz argon. Je ne suis pas en triple vitrage. Dans notre région, dans l'Ouest, il n'est pas nécessaire d'aller au triple. D'autres questions ? Vous venez de répondre à la question sur le simple ou le double vitrage. Double et triple. Oui, double et triple. Donc pour vous, le triple, ce n'est pas nécessaire. Enfin, un bon double, c'est suffisant. Alors, ça dépend du niveau de performance que vous allez vouloir. En passif. Pour faire un BBC moins de 50 kWh, pour l'instant, toutes mes études sont passées avec du double vitrage. Mais imaginez qu'un architecte, parce qu'il y a un super point de vue côté nord, il peut me faire des ouvertures côté nord. Là, je vais sans doute mettre un triple vitrage UW parce qu'au lieu d'être à 1,5, 1,6, je vais être à 0,9, voire plus. Donc, si, il faut le garder. Ça, c'est pour le niveau BBC. Si on veut aller plus loin vers le niveau passif de 50, il faut descendre à moins de 30 kWh mètre carré par an. Où est-ce qu'on gagne les 20 points de différence ? Ça, c'est la grosse question aujourd'hui. Hein. Moi, je suis en train de travailler dessus. On se revoit régulièrement. L'autre jour, j'avais Promotelec et le thermicien. On a fait une réunion. Autant ça m'a paru assez simple de la RT 2005 à descendre à moins de 50 kWh mètre carré par an. C'est pourquoi je dis le niveau, il est bien fixé. Mais pour gagner les 20 supplémentaires et descendre en dessous de 30, eh ben, c'est coton. Hein. C'est coton parce que vous pouvez remettre 7 ou 8 ou 10 cm d'isolation de plus. Et en fait, comme la courbe elle est comme ça, on gagne très peu de points. Alors après, ben, on va gagner peut-être sur l'épaisseur d'isolation, on va gagner sur le vitrage, peut-être qu'on sera obligé d'aller au triple vitrage, on va gagner sur la perméabilité à l'air. Moi, je mets 0,6 pour le BBC. En Allemagne, pour Passive House, ils sont à 0,2, ce qui veut dire que c'est quasiment étanche. On pourrait mettre de l'eau dedans, ça ne fuit pas. Quoi. Donc, pour descendre à 30, c'est vraiment... c'est bon, il faudra bien que ça se fasse, mais... Alors, j'avais une deuxième question un peu plus de pinaillage. Enfin, c'est pour bien comprendre, en fait, quoi on parle. La fameuse surventilation nocturne. Donc, c'est pour compenser le manque d'inertie de la maison, hein, du bois. Quand vous faites vos comparaisons entre une maison plus massive et la maison bois avec surventilation, la consommation due à la surventilation, elle n'apparaît pas dans le CEP. Dans le calcul réglementaire. Alors, on ne parle pas de la même chose. D'accord. Vous parlez de surventilation nocturne. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans une maison. La maison que je viens de vous faire voir, on a un garage au nord. Il suffit d'ouvrir un peu au nord. Vous avez une obée au sud. Pendant la nuit, on va faire un courant d'air naturel. Ça, c'est la surventilation nocturne. Moi, j'ai parlé de renforcement d'inertie par surventilation, mais pas nocturne. C'est la surventilation pendant que ça chauffe. C'est-à-dire qu'on a créé une accélération du courant d'air derrière le bardage et ainsi qu'en sous-toiture, ce qui nous permet de gagner 4 degrés environ sur ce que chauffe le mur et la sous-toiture. Et c'est ça, à partir du moment où on a un courant d'air qui est accéléré par l'effet cheminée, notre mur chauffe moins, on considère qu'il gagne 4 degrés, ainsi que les rampants de sous-toiture, et c'est là qu'on gagne déjà 4 degrés et donc qu'on va récupérer au déphasage. C'est pas d'accord. La même chose. Bon, que donc là, j'ai compris. Et la contribution de cette. Parce que donc c'est des ventilateurs. Pas du tout, non, c'est naturel. Ok, d'accord. Ça chauffe, la chaleur monte. Si on a bien organisé notre système, c'est tout à fait naturel. Ça ne coûte rien. Simplement d'avoir gambergé et la mise en œuvre de le faire correctement. Alors, sud et ouest, moi, je considère 45 mm. Au lieu de 22-23 qu'on met comme lattage pour les bardages sur les autres. Une vraie question de charpentier. Oui, bonjour monsieur. Juste une question. Excusez-moi, je reviens. J'avais préconisé dans une étude 45 mm. Le bardage était vertical. Les gars, ils m'ont mis des 45 mm. Donc, ça veut dire qu'il n'y avait pas de cheminée. Quand je suis arrivé, je dis, c'est pas possible. Non, mais... faire le dire. Allez-y. J'ai juste un tout petit souci avec un graphique que j'ai vu passer où vous montriez que le bois était à moins 0,49 par rapport à tous les autres matériaux. Au niveau de rejet de CO2, oui. Oui. Moi, j'ai un tout petit souci, c'est au niveau de la production et de l'exploitation du bois. Oui. Que ce soit au niveau des exploitations forestières, de son utilisation, du sillage. Moi, je suis au grand regret de vous dire que je ne suis pas d'accord parce que j'ai assisté à un autre symposium qui a été organisé à l'ITIAP à Lille. Par la Fédération nationale, où on avait des exploitants forestiers. J'ai qu'une question. Au niveau de la production et du dégagement de CO2, quand vous êtes en exploitation forestière, vous pourriez m'expliquer sur la ligne, ne serait-ce que d'exploitation, où il n'y a pas de production de CO2, où vous en consommez moins qu'une ligne de production classique qui ferait du béton. Et comment vous séchez ? Parce que ça, c'est une autre grosse question. Alors, moi, j'ai repris l'étude dans mes recherches que je vous ai montré la diapositive tout à l'heure. Je n'ai pas les compétences pour refaire ce calcul-là. Moi aussi, il se trouve que j'ai assisté à des travaux avec le CNDB, avec un certain nombre, donc les gens de la filière bois, vraiment. Et a priori, on avait l'air tous d'être d'accord, et c'est même le langage qui est tenu. Dans les essentiels du bois, je suppose que vous le distribuez, on retrouve ce graphique-là. Hein, je ne sais pas si vous en avez un exemplaire ici, Pierre, mais le graphique que je vous ai donné, ce sont les essentialités. Dans les essentiels du bois, c'est la source publiée par le CNDB. Aujourd'hui, on sait que On n'utilise même pas la production française de bois chaque année. Je crois qu'on n'utilise que 65% de la production de bois, donc on peut y aller. Tout ça. Dans notre concept, nous, quand les charpentiers demandent le bois, ils s'assurent que ce soit d'une exploitation dite durable, donc d'une forêt qui est gérée correctement. Alors après, peut-être qu'il y a d'autres facteurs qui n'ont pas été pris en compte dans l'étude, auquel cas je vous recommande, je veux bien rechercher la petite diapo auquel vous faites allusion. Au moins que Pierre ait quelque chose. Je vous parle d'une seule chose, c'est la technique de séchage. Sur la technique de séchage, est-ce que c'est un séchage naturel ou est-ce que c'est un séchage qui est forcé? Parce que les exploitants forestiers que j'avais rencontrés à l'époque me disaient que c'est vrai, on a le temps de laisser sécher le bois, mais si on doit passer en exploitation industrielle, il va falloir utiliser des fours pour les faire sécher. Et est-ce que vous connaissez cette histoire du bois rétifié, puisque c'est une nouvelle technologie qui nous avait été présentée, qui nous permettait d'utiliser des essences qu'on ne connaissait pas du tout, comme essence en bardage, platelage ou autre, comme le bouleau, et qui s'avère être sec à 99%, qui était de très bonne qualité. Je peux peut-être apporter des éléments de réponse là. Sur le rectangle qui était en négatif sur le schéma tout à l'heure, là, oui, voilà. Il me semble, enfin, je me rappelle plus de la source initiale, mais je crois que c'est un solde. Step Euroforge Text, 1994. Okay. Donc on parle bien de l'exploitation ou extraction, de la transformation, fabrication et transport. Ça, c'est dans les documents officiels du CNDB. Donc, je crois que c'est un solde entre le gaz carbonique dégagé par la production de l'arbre en forêt par photosynthèse et puis le coût en gaz carbonique de toutes les phases d'exploitation forestière, de scierie et de séchage. Pour ce qui concerne la rectification, c'est complètement différent. C'est un procédé physique de traitement du bois qui permet de prendre une essence peu durable de classe 1 ou 2 et par une température de 180 à 230 degrés, donc au-delà du point d'inflammation spontanée, de lui faire modifier la structure par une mise en réseau des cellules. Et à ce moment-là, ça lui permet de passer en classe 3. Pardon ? Mais si vous avez d'autres informations, je veux bien que vous me les envoyiez par mail, parce que je suis preneur de tout, parce que je veux avoir absolument tous les éléments. Parce que moi, au départ, quand j'ai commencé à faire mon étude pour arriver à une maison performante, j'ai commencé par la monomure, parce que j'étais sensibilisé à ça. Et puis après, j'ai pris le béton cellulaire, et puis après, j'ai pris du madrier massif, et puis par effet d'entonnoir, je suis arrivé à ça, parce que ça m'a amené à ça. Hein. Mais plus il y aura d'éléments et plus ça permet de se remettre en cause. Voilà, donc je suis preneur. C'est une continuité à ma question de tout à l'heure. Vous avez parlé qu'on gagnait sur le chauffage quand on avait un surcoût. Mais qu'est-ce qui a été pris comme type de chauffage dans ces maisons, justement ? Parce qu'il y en a quand même de toute façon un de sécurité ou de complément par rapport aux apports solaires. Oui, alors là, on a mis que le poêle à bois. Point. Rien d'autre. Mais un poêle à bois que sur une pièce, parce que si vous avez une maison à étage, comment circule votre chaleur ? Elle est à étage, cette maison-là, et les autres aussi, puisque j'en ai deux qui ont été habités cet hiver, et les deux sont super contents. Alors, je vais vous rechercher le plan. Voilà. Donc le poêle à bois est situé là. Vous avez l'escalier là et vous avez une ouverture mezzanine ici. Donc, dans l'étude, je n'avais mis que le poêle à bois. On avait dimensionné en tant de kilowatts en nominal. Bon, il était surdimensionné, pour tout dire. Et j'avais quand même dit à la cliente, ce serait bien, c'est d'installer des lignes électriques pour mettre des radiateurs sèche-serviettes dans les deux salles d'eau. On ne sait jamais. Et elle a fait installer les lignes et elle a commandé ses radiateurs sèche-serviettes. Il se trouve que comme on avait fait la démarche de demander le label Effinergie, qu'on avait donc sans doute la visite de Promotelec, comme dans mon étude thermique, je n'avais pas de radiateur électrique, je lui ai dit, si tu veux bien, les pose pas. Parce que dans mon étude, j'en ai pas. Si Promotelec vient et qu'il y a des radiateurs. Comme après, on s'est rendu compte que dans les moteurs de calcul réglementaires, le poêle à bois n'est pas pris en compte. Donc il faut demander le label au titre 5, enfin c'est avec le ministère, la DGUSC. Donc le label, on ne l'a toujours pas aujourd'hui, parce qu'il faut que les moteurs de calcul prennent ça en compte. On prend les chaudières à bois, mais on ne prend pas les poêles à bois. On prend des systèmes de chauffage où on va assurer le chauffage dans chaque pièce, au niveau réglementaire, j'entends. Hein, alors que là, on a un chauffage, on va dire central, mais central dans la maison. Alors, ce qu'on a fait pour prouver quand même au CSTB, après Jean-Christophe Vizier qui nous suit, c'est que la cliente, elle a acheté, je ne sais plus, 6 thermomètres, et elle en met partout. En fait, on sait qu'on n'a qu'un degré de différence, ici ou là-haut, quel que soit le moment dans la journée, aussi bien en hiver qu'en été. Donc ça, c'est déjà satisfaisant. Ça vient probablement de l'architecture de la maison. Et puis résultat, et ben les poêles, les deux radiateurs électriques, et ben elle a passé l'hiver sans les installer, puis elle dit, bah, ça ne sert à rien que je les installe, ils ne m'ont pas servi. Bon, alors finalement, comme elle les a, peut-être qu'elle les installera. Aujourd'hui, dans toutes les études que je réalise, systématiquement, il y a les sèches-serviettes dans la salle d'eau. Je considère que c'est un confort physique sans doute et psychologique en plus pour le client au final. Donc dans toutes les études thermiques, il y a deux radiateurs électriques qui sont dans les deux salles d'eau. Pour les clients qui ne souhaitent pas le poêle à bois, parce que c'est quand même la corvée, bon, aujourd'hui il y a le pellet hein, qui se développe, bon, c'est plus facile à stocker. Ça permet pour un investissement de 4 500 €, aujourd'hui on a des poêles qui vont pouvoir se programmer. Vous partez une semaine en vacances de neige, vous allez le programmer, il va se remettre en route la veille. Il va démarrer tout seul s'il est avec du pellet. Il va avoir une autonomie plus importante. Donc, c'est possible avec du pellet. Mais il y a ceux qui ne veulent pas du tout de poêle et pas de pellet ni de bois. Donc là, il y a plusieurs solutions. Soit vous avez une architecture et on a travaillé sur d'autres paramètres. Et au lieu d'être juste en dessous de 50, on est par exemple à 40-41. On va pouvoir mettre des radiateurs électriques. Mais on sait que là, c'est multiplié par 2,58, ça va pénaliser, mais ça va passer dans l'étude. On sera encore en dessous des 50. L'idée, enfin, ce qu'on est, on est en train de travailler aujourd'hui, c'est sur une double flux couplée avec une PAC 3-4 kg, ce qu'on appelle des tours, bon, qui sont utilisés en Suisse, en Allemagne. Donc aujourd'hui, on est en train de travailler pour voir s'il serait adapté au Grand Ouest, au climat tempéré qu'on a sur le Grand Ouest. On a encore beaucoup à apprendre hein, pour d'ici 2020. Oui, vous avez un peu devancé. Ma deuxième question était, quitte à bien isoler la maison, justement, est-ce que ce n'était pas plus intéressant pour réduire encore le coût de rester sur des radiateurs électriques qui sont très peu coûteux et oui. qui seraient utilisés en termes d'investissement, enfin, si. Oui. Par rapport au poêle à bois ou par rapport à un système solaire ou autre. Tout à fait. Le système solaire, on l'a pour le chauffe-eau solaire. Hein. Mm-hmm. Mais effectivement, compte tenu des très faibles besoins, 150 mètres carrés habitables, il me faut 3 ou 4 kilowatts. Je considère que ce n'est pas une démarche absurde que de mettre uniquement des radiateurs rayonnants. Les besoins sont tellement faibles. Ils vont marcher vraiment que pour faire l'appoint. Par contre, quand vous êtes dans une démarche de demande de label où il va falloir respecter un chiffre, vous savez qu'à chaque fois que vous allez mettre un 500 watts quelque part, en énergie finale, vous allez multiplier par 2,58 pour l'énergie primaire et il faut que ça passe en dessous les 50. Donc la limite, elle est là. Mais au niveau de la démarche, je ne trouve pas ça absurde de dire qu'on investit dans le bâti et on n'investit plus dans le chauffage. À ce moment-là, effectivement, le radiateur électrique devient... Alors après, les purs et durs vont dire « Ouais, mais on encourage le nucléaire. » Bon, il y a tout ça derrière aussi. On va faire du photovoltaïque. Oui, le photovoltaïque, il y a les pour et les contre, tiens, il y en a marre. Ceux qui disent que rien que pour produire un panneau photovoltaïque, en fait, il va falloir que le panneau il marche pendant 15 ans pour récupérer l'énergie. Bon, ça, j'en sais rien, j'ai pas vérifié. À suivre, j'en sais rien, j'ai pas encore toutes les informations. Et je voudrais continuer sur les coûts. Par exemple, pour augmenter la densité urbaine, justement, pour réduire les coûts de construction et les coûts de fonctionnement, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager, comme en Allemagne, de faire plus de maisons mitoyennes ? Voilà, parce que ça réduit énormément construire les en coûts bande, de construction. Éventuellement voilà, avec avoir des garages au nord et ensuite, bien sûr, avoir des murs qui se touchent, parce qu'on voit beaucoup ici des maisons, mais avec le garage au milieu, ce qui n'a aucun sens, parce que je veux dire, c'est une zone alors, froide quand même. Ça, je pense est-ce que l'urbanisme, c'est ce que j'ai... Je suis passé rapidement, parce que j'ai... intervient des fois auprès des élus sur ces domaines-là, mais effectivement, l'urbanisme va être obligé d'évoluer. pour plusieurs raisons, pour la performance évidemment, pour la planète, mais aussi on se rend bien compte aujourd'hui qu'il y aura plus en plus de bouches à nourrir, qu'il faut donc réserver la terre à des fins agricoles, des choses comme ça. Alors que ce soit au niveau de la performance, une maison qui va être en bande, donc elles vont toutes se toucher comme on organisait nos bourgs et nos villes dans le temps, qui vont être éventuellement à deux, R2 ou R3, ça va être beaucoup plus performant, ça va être moins coûteux en termes de coûts. Il y a un petit pays à côté de chez moi qui est allé plus loin, ils ont fait un lotissement, là. Les maisons ne sont quand même pas en bande, chacun a sa parcelle, mais ils ont fait une grosse chaudière à bois pour les 8 maisons du lotissement. Et donc, ils ont passé une convention avec les agriculteurs du petit pays, il n'y a même pas 1000 habitants, ou tout juste 1000 habitants. Les agriculteurs, ils ont un marché annuel, ils se sont engagés à fournir le volume de bois nécessaire. Il y a une chaudière qui chauffe, et ça leur coûte pas grand-chose. Mais ça, c'est une démarche d'élus, c'est une volonté politique, après, de développer ce genre de produits. Mais dès l'urbanisme, il faut y penser, et après, effectivement, il y a plein de choses qui peuvent se greffer dessus. Oui, moi, je voudrais revenir sur les isolants du sol et du plafond des maisons que vous nous avez montrées. Ouais. Entre autres, qu'est-ce que vous avez choisi comme option au niveau du plafond, au niveau de l'isolation des toits? Et également, quelle était l'alternative au vide sanitaire par rapport au plancher en terre-plein, où vous disiez qu'il y avait quand même un différentiel important entre les deux? J'aurais voulu savoir quelle était votre option terre-plein. Exactement au niveau de l'isolant, qu'est-ce qui était mis, parce que c'est, ben c'est on avait important. Mis ici, on a fait un terre-plein, on a voulu mettre les clients et l'architecte défendaient l'idée de l'inertie, donc on a mis 20 cm de béton et on a mis 6 cm d'isolant. Je suppose qu'ils ont compté un polystyrène, enfin un lambda de 0,40. Et là, donc, on s'est aperçu que c'est à la liaison qu'on va perdre. On va perdre un petit peu parce que moi, j'ai 20 cm d'isolant dans ma dalle bois, l'épaisseur des solides, 22 même. Mais on va perdre, c'est par ce qu'on appelle les linéiques au niveau thermique tout autour. La liaison mur, plancher-mur. Après ça, vous avez les liaisons plancher-intermédiaire-mur. En fait, la performance d'une maison, on peut faire très épais. Si vous avez des ponts thermiques, ça ne sert à rien. Et c'est comme l'étanchéité à l'air. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités, justement, d'isoler comme font les Allemands? Ils isolent jusqu'en bas, dans les fondations. En mur manteau, ça va se développer. Ça va donc venir. Ça éviterait peut-être justement ces ponts thermiques potentiels qui sont dans la jointure. Ouais. Mais ça va se développer. Nous, en fait, on a joué sur les deux choses. Hein. On n'a pas de liaison dans notre système constructif. Entre le plancher et le mur, déjà, on a supprimé. Mmh. Et comme après, on a un système de mur manteau par l'extérieur, on joue sur les deux tableaux. Hein, donc, mais c'est pertinent parce que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce que l'option inertie n'est quand même pas une mauvaise option. L'option inertie, dans la conception bioclimatique, c'est quand même quelque chose qui est à mettre en... Pour le confort d'été, et même pour récupérer la chaleur, puisqu'on va mettre, par exemple, une hygro-baie. Et on va conseiller au client d'aérer, d'ouvrir ses fenêtres 5 ou 10 minutes par jour. Et si on ouvre les fenêtres 5 ou 10 minutes et que vous avez un bâtiment qui a beaucoup d'inertie, dès que vous allez refermer, comme le tout est chargé d'inertie, vous retrouvez la température. Donc ça, c'est absolument vrai. Et c'est pourquoi l'ensemble des parois, que ce soit les dalles, les murs, sont étudiés dans le système pour avoir, vous avez vu le TIC, pour avoir une inertie. Quoi. Et alors, au niveau du plafond? Au niveau en sous-toiture, c'est la même chose. On a, alors selon les cas, on va dire grosso modo 30 cm d'isolant, mais à une densité qui va être supérieure à 55 kg au mètre cube pour avoir un temps de déphasage. On a une inertie, un temps de déphasage qui est le double que la même épaisseur en laine minérale. Hein, là où on a 5-6 heures de déphasage avec une laine minérale, ici on aura 12 à 14 heures. Plus la surventilation où on gagne un peu 4 points également. En réalité, le soleil qui va taper vers 2 ou 3 heures l'après-midi va finir par rentrer au petit matin, à 4-5 heures le matin, au moment où on fait la surventilation, où la nuit est plus fraîche, ce qui fait que ça lisse les pics. Oui, puisqu'on est dans ce genre de considération, est-ce que vous avez un avis sur les toitures végétalisées? Oui, dans la mesure où là, isolation, d'absorption. Bah oui, moi je ne peux être que pour, dans la mesure où l'architecture autorise et les PLU autorisent les toitures plates et végétalisées. Mais là, dans la mesure où on a bien respecté une isolation suffisante pour le confort d'hiver, la toiture végétalisée va vous amener de l'inertie, ça ne peut être que bénéfique. Moi je suis pour, j'ai d'ailleurs quelques maisons qui vont être faites comme ça. Après il faut voir au niveau des PLU, les plans locaux d'urbanisme et des règlements intérieurs de chaque lotissement si c'est autorisé par les élus. Oui, une question là sur la prise en compte de l'alimentation des poêles à bois par rapport à l'étanchéité. Oui, ma question en fait c'était par rapport aux poêles à bois, donc il faut une arrivée d'air. Oui. Est-ce que vous en tenez compte pour la perméabilité? Alors l'arrivée d'air, elle arrive dans l'appareil, surtout pas ailleurs, directement. Et effectivement, parce qu'on s'est amusé, entre guillemets, hein, c'était pas de l'amusement, on a fait le test en cours de travaux. Nous n'avions pas de carrelage, c'était vraiment en cours de travaux. C'est le résultat que vous avez là. Et nous avions des fuites sous les portes-fenêtres, c'était la première. On avait un bon coefficient, 0,869, c'est déjà pas mal, mais on avait des fenêtres sous les appuis des trois portes-fenêtres qui étaient devant. Bon, on a vu tout de suite que, bon, au niveau de la pose, on avait mis pourtant le compriband, il y avait le silicone, mais il y avait quelques petites choses bon, qu'il fallait faire mieux. Comme depuis, le carrelage a été fait, on s'est dit, bon, bah là, ces fuites-là, c'était les principales au test à la fumée, c'est pas mal. Avec 0,869, quand on a monté le dossier auprès de Promotelay pour avoir Finergie au mois d'octobre, au niveau du CSTB, Jean-Christophe Vigier n'a posé pas de plafond. C'est-à-dire que du moment que vous soyez en dessous les 50 kWh, nous étions à 39 en prenant 0,869, il n'y a rien qui s'oppose au label. Sauf que depuis, avec la DGUAC, donc Mme Royer, enfin un certain nombre de gens, ils ont acté que pour avoir Effinergie, ce serait 0,6. Et comme les moteurs de calcul réglementaires n'ont toujours pas pris le poil, enfin bref, on n'avait toujours pas, donc nous, il fallait refaire le test. On se disait, bah, 0,869, on a bien colmaté sous nos portes-fenêtres, donc forcément, on est mieux. On fait revenir Blower d'or et on refait le test. Je vous le donne en direct, c'était la semaine dernière. Mais on n'est plus à 0,869, on est à 2,3. Plouf, la catastrophe. On n'a plus de fuite sous les portes-fenêtres. Mais effectivement, il y a eu la cheminée qui a été installée. Le conduit de Pujola, coup de cutter dans le film qui servait d'étanchéité à l'air, port collé. La cliente, elle a une mezzanine en forme d'œuf, très jolie. Et au-dessus de sa mezzanine, elle a refait faire par le charpentier une corniche en bois et avec des petits spots. On a 12 spots, les petits spots là. Génial, les petits spots. L'électricien, il a mis un tube PVC parce qu'on a 30 cm en sous-plafond. Il y a le spot en dessous, le tube PVC vide et en haut, du scotch orange avec le fil qui sort. Et probablement avec la chaleur du spot, le scotch il s'est ramolli. Avec le poids du fil, j'avais des trous comme ça et j'en ai même plus comme ça. Et en fait, multiplié par 12. Et alors, quand on se renseigne auprès des gens qui sont plus en avance que nous en Allemagne, je dis, on a fait le test au moment des travaux, on était bien. Après les finitions, je dis, mais c'est pas étonnant, c'est souvent comme ça. Parce qu'une fois que c'est fait, ben, l'artisan est moins... Là, il savait qu'il y avait l'ADEME, qu'il y avait les professionnels, que ce serait en direct qui serait jugé. Mais après, ben, on est bon. Et donc, il a mis les spots du scotch et vas-y, Nénès, je roule. Et résultat, le conduit de fumée, il y avait le solatube aussi, parce qu'au milieu de la mezzanine, il y a une espèce de soleil qui éclaire le centre de la mezzanine pour amener l'éclairage. Pas scotché, pas d'étanchéité à l'air. Le conduit de fumée, le solatube, les 12 spots, on a tout en l'air. Alors que le bâti, au départ, était bien. C'est jusqu'au bout. Le test d'étanchéité à l'air, il faudrait le faire à la finition, à la réception des travaux. Seulement, si vous avez une fuite, comment vous allez réparer? Donc là, il y a un choix. Bon, au réseau, nous, on envisage d'acheter notre machine pour faire nos tests au fur et à mesure. Pour les professionnels, si vous êtes des fabricants d'ossature bois et que vous faites ce genre de maison, quand vous avez fini l'or d'eau, l'or d'air, que vous avez fait votre or d'air, faites tester par la machine blower d'or et faites réceptionner. Vous livrez, c'est réceptionné, c'est bon. Si l'électricien vient donner un coup de cycloche, un coup de cutter ou un plombier, peu importe, hein, j'ai rien contre... Mais vous avez fait votre boulot. Je vous conseille ça. Enfin bon. Alors, 3, allez-y. Oui, non, ma question c'était, est-ce que le calcul a été fait sur le cubage de bois entre une ossature bois classique, donc avec du 6-8, et des maisons type poteau-poutre? Est-ce non, que y a, calcul, non. Voilà, ouais. Voir le cubage final de la construction, ouais. S'il n'est pas plus intéressant finalement de passer quand même en poteau-poutre, oui. Qui est autoporteur, ouais. Que mettre une quantité... Je pense que ça peut être intéressant, le poteau-poutre, c'est peut-être plus utilisé pour du collectif ou du R+2+3, enfin là, Je ne sais pas, Pierre, si vous avez... moi, je ne me suis pas approché du poteau poutre. A priori, le poteau poutre, on concentre les forces au niveau des poteaux, alors que l'ossature bois répartit les forces tous les 40 ou 60 cm. Donc, il y a une répartition des charges qui me paraît être plus économique au niveau de l'ossature bois que des poteaux poutres. Mais ça demande d'être confirmé. Donc oui, vous parliez des erreurs d'étanchéité, des problèmes d'étanchéité au niveau des maisons. Mais on se rend compte qu'il y a un gros problème de communication au niveau des professionnels du bâtiment. Et je voulais savoir par rapport à ça, s'il existait dans le futur des formations pour les professionnels du bâtiment. Alors oui, là je ne sais pas si je peux faire de la publicité. Il existe des formations. Alors j'imagine que bah, les interpro vont organiser des réunions là-dessus, je ne sais pas. Mais bah, j'ai une collègue qui est sur Nantes, Marika Frenette, qui a une formation au mois de mai. C'est son premier module qu'elle lance. En une semaine, elle a eu les inscriptions, 20 professionnels du bois qui se sont inscrits. Parce qu'elle, son associée, c'est une Allemande. Et bon, l'étanchéité à l'air au Canada, puisque c'est une Canadienne à l'origine, elle connaît très bien. Et c'est vraiment son domaine de prédilection. Elle intervient uniquement sur l'étanchéité à l'air. Et donc, il existe au moins ça. Je pourrais me rappeler sur mon... L'étanchéité ou autre maison passive, c'est vrai qu'on connaît très peu ce genre de système en France. Ouais. Et c'est vrai, et c'est pourquoi il faut former. Lorsque la première maison a été testée, la première fois qu'on était à 0,869, après, on a discuté avec les professionnels, les architectes, fabricants de ceinture bois, les collègues de Pierre, là, qui étaient de Pays de Loire, Nicolas, et puis Olivier Ferron, donc pour Habibois. Dit, si tu veux en faire, il faut former des équipes dans chaque département. Donc l'idée a été de créer un réseau de professionnels, et dans chaque département, je forme une équipe. Il y a d'abord l'ossature bois, fabricant d'ossature bois, c'est la pièce maîtresse. C'est lui donc à qui on transmet le savoir, mais il lui faut un concepteur. Un architecte ou un maître d'œuvre avec qui il a l'habitude de travailler, constituer une équipe, former cette équipe, faire une première maison auquel je viens plus souvent, et petit à petit, comme ça, on va former des gens. Mais ça, c'est ma démarche, on va dire, personnelle et commerciale. Après, je pense que ça bouge de partout, que ce soit les interpro du bois, que ce soit la FFB, les CAPEB, tout le monde est en train de travailler là-dessus. Mais l'État en lui-même n'a pas prévu ce genre de... Le ? L'État n'a pas prévu ce genre de développement. Je crois qu'ils ont tellement à faire que au niveau de la formation. Mais il y a plusieurs niveaux de formation. L'étanchéité à l'air, c'est vrai. Dès les écoles supérieures du bois, que ce soit à Nantes ou les écoles d'architectes, intégrer toute cette nouvelle notion-là. Parce que les gens qui sortent aujourd'hui n'ont pas forcément encore reçu l'information. Au niveau des concepteurs déjà. Après, au niveau des besoins en main-d'œuvre des métiers du bois, demandez à tous les fabricants d'ossature bois, ils sont tous débordés. Ils sont tous débordés, il y a des délais, Donc il va y avoir un besoin énorme, compte tenu qu'on sait que ce système constructif va se développer encore beaucoup plus vite à partir de 2012, parce que répondre à des exigences comme ça avec des systèmes constructifs traditionnels, conventionnel, ce qu'on appelle la filière humide, la maçonnerie, tout ça, ils vont y arriver. Mais au niveau des coûts, je pense que l'ossature bois, elle aura une avance à ce moment-là. Donc il va y avoir un besoin de manœuvre au niveau de l'ossature bois, un besoin, comme le disait Pierre en introduction, d'industrialisation. On voit déjà des industries qui se développent pour fabriquer du mur performant à la chaîne. Au Japon, on fabrique les maisons comme en France, on fabrique les poids lourds et les voitures. Ça rentre à un bout, la chaîne avance. Ici, on pose la fenêtre. Plus loin, on pose l'étanchéité à l'air. Plus loin, on pose le bardage et ça sort à l'autre bout. Ça part livraison. Donc, ce sont des chaînes comme nous, on fait les voitures. C'est très industrialisé, millimétré au niveau du temps. Donc, on a tout à faire en France. Je pense que de la même façon... Il y a 15 ans, on avait le menuisier qui fabriquait ses fenêtres et qui allait les poser. Enfin, 15 ans, ça fait même 20 ans. Aujourd'hui, les menuisiers sont devenus des poseurs et il y a les industriels de fabrication de fenêtres. Ça sera, à mon avis, pareil pour l'ossature bois. Rapidement, il y aura ceux qui fabriqueront et puis ceux qui poseront. Enfin, on en reparlera, mais ça me paraît très difficile autrement si on veut être performant. Oui, j'avais envie de revenir sur les épaves. Parce que c'est passionnant ce que vous êtes en train de dire. Et qu'est-ce qu'on fait des anciennes maisons ? Eh bien là, on améliore. On améliore l'existant. Bon, c'est un petit peu en dehors du thème d'aujourd'hui, mais c'est très récurrent. Il se trouve, je travaille à l'ingénierie de formation pour FFB, qui sont en train de mettre au point des modules de formation pour tous leurs adhérents. Sur l'existant, il y a des solutions. Seulement, aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans l'existant, le client qui a une maison, sans parler d'une épave, mais qu'il a envie d'améliorer parce qu'il trouve qu'il paye trop cher de chauffage, la première personne à qui il s'adresse, c'est les artisans qui viennent chez lui. Alors, selon l'artisan qui vient, si c'est le menuisier qui est venu refaire du parquet ou qui est venu ajuster une porte, et on consomme du chauffage, qu'est-ce que tu me conseillerais ? Oh ben, faut que tu changes tes fenêtres, menuisier, faut que tu changes tes fenêtres. Si c'est le plombier qui est venu faire un dépannage ou la vérification annuelle, eh ben faut que tu changes ta chaudière au gaz, là tu mets une chaudière à condensation. Et chacun dans son métier a une démarche qui est humaine et naturelle. Ce qu'il faut, c'est que dans le futur, quel que soit le corps d'état qui sera appelé chez le client, il ait une vision globale de comment marche la machine thermique du bâtiment. C'est-à-dire que le menuisier dit ben oui, je pourrais te changer les fenêtres, mais tu auras un retour sur investissement qui va être de 16 à 18 ans parce qu'il y en a pour un paquet. Il suffirait peut-être que tu changes ta ventilation. Tu n'as pas de ventilation ou une VMC naturelle, mais déjà une simple, mais déjà une Hygro B. Tu vas déjà gagner beaucoup. Enfin, vous voyez, c'est tout un état d'esprit, mais il faut que tout ça, là aussi, formation, formation, formation. Aujourd'hui, les métiers du bâtiment, ils sont en pleine révolution. À ma génération, j'allais dire, on mettait les gens, entre guillemets, qui n'allaient pas poursuivre leurs études dans le bâtiment. C'est fini, ça. Aujourd'hui, il va falloir des gens dans le bâtiment qui soient capables de raisonner avec des U, des lambda, des R, et rapidement faire la synthèse d'un bâtiment, d'industrialiser, de s'organiser. Je pense qu'on est juste au départ d'une révolution dans la filière bâtiment, sèche, filière sèche ou filière humide, mais aussi des revalorisations énormes des métiers du bâtiment. Aujourd'hui, pour faire des maisons BBC, voire passives, l'entreprise qui fera ça, il faudra que ça soit quelqu'un d'organisé, de rigoureux, et qui sache de quoi il parle. Oui, je voulais savoir s'il y avait un intérêt pour le maître d'ouvrage d'avoir une maison labellisée Finergie ou autre label. Alors, effectivement, depuis un an, les nouveaux clients qui viennent, en fait, l'étape, c'est un, l'étude thermique, c'est notre démarche, nous. Étude thermique, mais test d'étanchéité à l'air. Si on a une étude thermique qui apparaît que vous êtes à temps de consommation à 42, à 43, à 45 kWh mètre carré par an, et que dans l'étude thermique, on a mis 0,6 de fuite à l'air, si lors du test, vous êtes en dessous de 0,6, la maison est bien. Effectivement, là, vous pouvez décider de demander le label Effinergie. Mais la sécurité pour le maître d'ouvrage, c'est d'abord les deux premiers points. Bon, le label Effinergie, BBC Effinergie, il a le mérite d'exister. Il y en avait dans les pays voisins, Passive House et Minergie, il n'y en avait pas en France. Les gens de l'association, que ce soit Mme Millet, la présidente, que ce soit Catherine Bondeau, la permanente, ou que ce soit Samuel Courget, qui travaillait là-dessus aussi, avec lequel on travaille depuis 3 ans là-dessus, ils ont fait un boulot énorme. Donc aujourd'hui, c'est rattaché à la RT 2005, c'est plus facile pour les calculs. Je pense que la belle Effinergie, le client qui l'aura, s'il a à revendre sa maison, il aura un plus, quand même. C'est essentiellement sur la revente, quoi, mais c'est pas sur... Sur la performance, je vous dis, si vous avez un plan, l'étude thermique qui va avec le plan, avec la notice descriptive, et que la mise en œuvre est bien faite comme la notice et le plan, que l'étanchéité à l'air, elle est au niveau qui a été déterminé dans l'étude thermique, votre maison, elle est BBC. Donc c'est un coût supplémentaire qu'il faudra qu'il retrouve à la revente, quoi. Au niveau des Finergies ? Oui, parce qu'il n'y a pas de subvention. Oui, en fait, si vous demandez à Promotelec, je crois que l'inscription, elle doit être demandée par le maître d'ouvrage, c'est 300 € hors taxe. Montez le dossier parce qu'il faut tout envoyer, les études thermiques en électronique. Et là aussi, s'il y a des professionnels, si on se lance vers une labellisation, si vous avez des premiers clients, il faut n'utiliser que des matériels et des matériaux qui ont des avis techniques ou qui soient homologués Promotelec. Nous, on s'était adressé à un fabricant de menuiserie qui était performant, UW1-6, enfin suffisamment performant, seulement qui n'était pas passé par la certification au niveau du UW. Donc ça aussi, ça nous a pris énormément de temps parce que le temps qu'il les demande, qu'on les donne à Promotelec. Et Finergy, c'est bien parce que c'est un beau label, mais il faut être très pointu. Et il ne faut n'utiliser dès le départ que des matériels homologués par Promotelec ou par Sécami si vous êtes constructeur de maisons individuelles, parce qu'il y a plusieurs certificateurs. Il ne faut pas prendre n'importe quel fournisseur, parce que derrière, c'est la galère, c'est de l'énergie dépensée. Je le sais, j'en sors. Parce qu'on n'a pas pris au départ, on a essuyé les plâtres. On a pris du bon matériel, mais qui n'était pas homologué. Donc derrière, pour faire certifier, ben, Promotelec dit, moi, vous me le prouvez. Il faut tout prouver. Et si le fournisseur joue le jeu, ça va. Le fournisseur des menuiseries, il a joué le jeu, on va dire, en 2 ou 3 mois, le temps qu'il aille vers le CTBA. La cliente avait acheté sa porte d'entrée chez un autre fournisseur parce que le modèle lui plaisait bien. Lui, il n'en avait rien à faire. On attend la certification de la porte d'entrée. Donc, attention, si vous êtes des professionnels et que vous avez un client qui vous demande, je vous demanderai peut-être le label, c'est peut-être ou c'est sûr, parce que dès le départ, il faut le savoir. Mais surtout, prenez... Alors ça pose problème, parce qu'on est habitué avec des fournisseurs, qu'on sait sérieux, qu'on sait bien, et ça va supposer que tous les fournisseurs passent par une homologation Promotelec. Enfin, c'est le système français, faut que ça rentre dans des cases, sinon ça ne marche pas. Et après, c'est beaucoup d'énergie pour obtenir... J'avais une autre petite question par rapport à l'étanchéité à l'air. Qu'est-ce que vous pensez du pare-pluie, le film plastique là, qui est mis à l'extérieur, qui n'a rien de très naturel Est-ce que c'est... Alors, vous avez plusieurs systèmes constructifs pour l'étanchéité à l'air. Vous avez le pare-vapeur à l'intérieur, qui doit être superbement scotché partout, parce que si vous avez la moindre fuite, vous avez de l'air qui passe chargé d'hygrométrie, vous allez créer des désordres et vous n'avez plus l'étanchéité à l'air. Le pare-pluie à l'extérieur. Le système constructif que je développe, c'est ce qu'on appelle le système perspirant. Alors là aussi, il faut faire attention. On a fait l'étanchéité à l'air sans film. C'est-à-dire qu'on a mis le contreventement à l'intérieur, mais pour faire un système perspirant, c'est-à-dire que la vapeur d'eau peut migrer à travers le mur, il ne faut pas se tromper sur la composition des matériaux qui composent le mur. C'est-à-dire que le parement intérieur doit avoir un mu, vous savez la lettre grecque, un coefficient de perméance à la vapeur d'eau 5 fois supérieur que le parement qui sera à l'extérieur. Ça suppose donc que dans la composition du mur, vous n'ayez pas à un moment inversé le 3 et le 4, par exemple. Donc la vapeur d'eau qui va migrer à travers, il faut qu'il y ait une bonne résistance à l'intérieur, on va dire 5, ou si vous mettez 10, il faudra que ce soit 2 à l'extérieur. À partir du moment où la vapeur d'eau a commencé à migrer, il faut qu'elle aille de plus en plus vite vers l'extérieur. Dans ce cas-là, il n'y a plus de film ni par pluie ni par vapeur. Attention à l'étanchéité à l'air. Nous, c'est le pari, c'est ce que j'ai souhaité développer. On a des murs qui perspirent, on n'a plus des murs étanches. La moindre petite chose dans un mur étanche, aujourd'hui, on a par proclimat ce qu'on appelle des matériaux à changement de phase, avec des petites bulles de cire, je ne sais pas si vous connaissez, au niveau justement des pare-vapeurs. C'est-à-dire qu'en fonction de la saison, de la chaleur ou pas, ces particules de cire se durcissent ou se liquifient et laissent plus ou moins passer la vapeur d'eau, qu'on appelle des intellos, des matériaux intellos. Bon, en fait, la technologie évolue énormément. C'est une boîte allemande qui vend ça. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Cire paraffine, oui. Autre question ? Oui, bon. Je reviens un petit peu là sur les agro-matériaux dans la construction. Donc, vous expliquez qu'effectivement, il faut qu'il y ait une certification de Promotelec ou du SSTB, etc., pour que les gens puissent avoir une décennale et des garanties. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même des efforts qui sont faits pour que des études soient réalisées afin de certifier l'ensemble des, je dis agro-matériaux, bon, j'ai parlé de laine de mouton parce que je travaille dans la chambre d'agriculture dans l'élevage, mais ça peut être aussi bon, le chanvre, le lin, la paille ou les pailles, puisque je viens aussi de la Drôme d'origine, où aujourd'hui on essaie de développer aussi des murs en paille de lavande. En Camargue, ils font aussi de la paille de riz. C'est-à-dire effectivement l'idée du développement durable, c'est aussi de relocaliser les ressources Et nous, enfin, je sais qu'au niveau des exploitants agricoles, si on pouvait avoir aussi des sous-produits intéressants qui aillent sur la construction, ce serait quand même tout bénéfice. Est-ce que par rapport à ça, il y a quand même des efforts qui sont faits, ou est-ce que par rapport à ça, est-ce que aujourd'hui, Bloc Alliance, qui font bien leur publicité sur France Inter, reste quand même très très verrouillé sur le sujet, quoi. Mais il y a toujours les lobbies partout. Hein. Pour répondre à votre question, tous ces matériaux, effectivement, issus de l'agriculture, regardez tout le parcours du chanvre, les chanvrières du Belon, qui avaient demandé justement auprès du CSTB pour être agréé, hein, pour être certifié. Ça faisait 2 ans et demi, donc je ne sais pas si vous savez comment ça se passe quand on veut faire passer quelque chose comme ça, c'est qu'on paye une première fois, puis si ça passe 8 mois après, on repaye une deuxième fois, et donc pour l'entreprise, si elle est toute seule, ou pour la filière, ça fait un coût d'investissement. C'est un parcours obligatoire. En réalité, 2 ans et demi après, ça n'avait pas beaucoup avancé. Il y a eu cette histoire du numéro de que choisir, numéro je ne sais plus combien, qui a fait un article sur les laines de verre cancérigènes distribuées par un des fabricants bien connus. Donc ça a fait révolution un peu. Résultat, quelques mois après, les laines de verre étaient enlevées du classement, puisque c'était classe 2 cancérigène, ont été enlevées, comme ça il n'y a plus de problème. Et pour refaire son image, ce même fabricant aujourd'hui distribue du chanvre. Et lui, il a eu les avis techniques en 6 mois. Bon, si vous y allez avec de la lavande, si vous y allez, si vous voulez que ça soit distribué dans la filière bâtiment avec des assurances décennales, donc avec des avis techniques et tout, vous aurez tout ce parcours du combattant. C'est-à-dire que je vous conseille de ne pas le faire tout seul, mais d'avoir vraiment toute une filière au niveau national et avoir une force. Et peut-être de demander aux gens du chanvre comment ils ont fait pour l'obtenir, comme ceux de la paille que je rencontre de temps en temps, qui sont en train de travailler là-dessus aussi. Mais c'est énorme, quoi. Alors après, tout ce qui est issu de l'agriculture, ce sont des points de développement éventuel pour le monde agricole. Dans les différentes conférences où je peux aller, on attire toujours l'attention, il faut d'abord réserver les terres pour nourrir les gens. Donc si en plus ça fait de l'isolant et de la paille, pourquoi pas, ouais, mais bon, voilà. Oui, tout à fait. Bon, dernière question peut-être, et puis après on va... Parce que vous avez un public qui s'arrête jamais chez vous, là. Oui, pour revenir sur les murs perspirants, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériaux depuis l'intérieur vers l'extérieur? Alors, au niveau du contreventement, alors si on part du parement intérieur, fermacelle ou placo, mais fermacelle parce qu'on a une densité, donc on ramène de l'inertie. Un vide de 3 cm pour passer les gaines, donc un tasseau. Le contreventement intérieur qui doit avoir des vis tous les combien et qui ne doit pas être démontable, vous connaissez. Donc là, j'ai supprimé l'OSB qui avait un petit peu de colle. On a pris un panneau qu'on appelle le PXD, je ne sais pas si vous connaissez, et donc qui est un matériau qui était bien au niveau du mu, donc pour être perspirant, qui avait une bonne résistance, qui n'a pas de colle puisqu'il est, il est aggloméré avec la lignite qui est naturellement dans le bois. Ben là, je ne connais pas celui-là. J'en entends beaucoup parler, mais comme moi, j'ai fait un autre choix, je ne sais pas. Bon, là, je me demande si on ne le met pas plutôt à l'extérieur en contreventement intérieur. Attention. Je ne sais pas. Enfin bon, c'est, comme ce n'est pas mon domaine. Après, donc, on a de la ouate de cellulose insufflée, mais à tant de kilos au mètre carré. Donc là, ça va dépendre de l'épaisseur. En Allemagne, s'ils sont à 35 ou 40, ils vont densifier à 60, 65 kilos le mètre cube. Pas au mètre carré, mais au mètre cube. Donc là, ça va dépendre de la structure. Ah non, non, non, on est beaucoup plus que ça. On va être entre 145 et 210, nous. Hein. Et après, un mur manteau en fibre de bois qui va servir de pare-pluie, puisqu'on ne fait pas de pare-pluie, donc il faut bien donc ce qu'on appelle une fibre de bois bouffetée pour faire l'étanchéité à l'air. Donc ça, c'est l'ensemble du mur, quoi. On a des murs qui, selon qu'on est sur la façade ouest, sud ou nord et est, sont de différentes épaisseurs, puisqu'on a en plus la lame d'air qui est différente pour faire cheminer. Et, hein. Donc ça fait partie de l'ensemble de l'habit bible du système constructif qu'on apporte à ceux qui rentrent dans le réseau et après on les suit. Quoi. Une dernière question, je sens que je vais m'en aller de nuit, moi, hein, je ne suis pas rendu. Hein. Vous avez un bon public, Pierre. Hein. Voilà, on doit rendre la salle à 8h pour que les techniciens puissent rentrer chez eux. Donc on va clore cette réunion. Hein. Merci en tout cas d'être venu et d'avoir participé aussi activement. Et puis merci à Louis Hatt, donc d'avoir répondu à toutes ces questions. Bonne soirée.